Ici Maxime Tremblay du site épéelégendaire.com. Vous êtes des accros des jeux? Parfait! Car Big Ben, Antithèse Rétro Gamer, PQ et Marilune sont là juste pour vous ce soir. Bienvenue dans le podcast des accros des jeux! Salut les accros, c'est le Big Ben. Et c'est Antithèse. Pour le podcast des accros, l'édition du 4 février 2013. Salut, comment ça va? Oh bien, toi, mon cher Big Ben. Ça va très bien. On est les deux fidèles au poste ce soir. Mais on n'est pas tout seul. On a quand même quelqu'un qui est déjà venu sur notre site auparavant et qui va venir nous jaser un peu de son projet de l'Orchestre des Jeux vidéo de Montréal. C'est Sébastien Wall-Lasselle. Salut Sébastien. Bonjour Benoît, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Écoute, on s'est jasé il y a un an de ça. Oui. C'était un événement qui était... T'étais très, très anxieux, je te dirais, lorsque j'ai réécouté l'entrevue. Oui, effectivement. C'est... Et là, t'as une raison supplémentaire d'être anxieux cette semaine, parce que le concert est sold out. Félicitations! Ben, merci beaucoup. Hein. On a la chance d'avoir des super bons fans qui nous offrent un concert sold out. Ça va être vraiment une super belle soirée. Donc là, vous avez la tension qui monte un petit peu plus haut que la dernière fois, là. Oui, effectivement, un petit peu. On a une répétition vendredi où est-ce qu'on a vu que c'était effectivement sold out. Et puis, on sentait, hein, ça sentait que ça s'en venait, que c'était la semaine prochaine. Et puis, qu'on était tous excités pour y aller. À quoi qu'on peut s'attendre à cette version 9 de ce spectacle-là? On commence à fêter notre 5e anniversaire avec l'OJV, hein, version 9. On voulait réinventer quelque chose. Donc, on a été chercher plusieurs éléments qu'on a revisités. Évidemment, 5e anniversaire, on a voulu ressortir un petit peu du stock qui avait bien fonctionné. Il y a des pièces que ça faisait longtemps que les fans nous demandaient, par exemple, Castlevania, qu'on se fait demander à chaque année, qu'on a décidé d'inclure dans le concert. On est allé chercher du nouveau répertoire aussi, et puis quelques petites surprises à l'intérieur du concert que je ne révélerai pas tout de suite, mais que je suis sûr qu'ils vont être très, très, très bien appréciés par les fans. J'imagine, écoute, on a vu vraiment la popularité des musiques de jeux vidéo. Je sais qu'on en parlait l'année passée. Tu nous disais qu'il y avait vraiment une expansion de la musique de jeux vidéo. Puis en moins d'un an, écoute, c'est impressionnant ce qu'on a eu à Montréal. On a eu le Video Games Live, on a eu le Distant World Final Fantasy, puis même Madame Angèle Dubois qui a quand même sorti un album de musique de jeu. À ton avis, c'est-tu vraiment une expansion ou bien c'est une explosion? Ah, écoute, on pourrait dire carrément une explosion, hein. Madame Dubois qui fait un super bon CD. On a eu même Symphony of the Goddesses de Zelda aussi qui est venu à Montréal. Oui, c'est vrai, j'étais présent. Oui, effectivement, tu te souviens probablement que le producteur avait de l'air, il était impressionné par l'enthousiasme qu'il y avait dans la salle. Comme tu l'as dit, Destin World aussi qui a été un grand succès. Je connaissais des musiciens sur scène et puis ils revenaient pas de l'accueil qu'ils ont eu. C'était quelque chose qu'ils avaient jamais connu, un public aussi enthousiaste. Oui, c'est vraiment une explosion. Le monde se rend compte que, oui, il y a quelque chose qui se fait, que la musique de jeux vidéo, c'est vraiment cool. Il y a quelque chose à aller chercher, là. Et puis, le monde commence vraiment à embarquer. On s'attend au show des reprises de Pokémon, de Guild Wars, de Castlevania, Jurassic Park. J'imagine que ça doit être la version de Telltale Games. C'est le jeu de Lost World, je ne pourrais pas te dire exactement c'est quel producteur, mais cette pièce-là a un apport assez significatif au niveau de la musique des jeux vidéo. C'est une des premières pièces dans laquelle on a utilisé un orchestre pour enregistrer la trame sonore. Donc, non seulement c'est de la très bonne musique, mais du côté historique, ça a vraiment une grande signification. C'était vraiment la première fois qu'on faisait appel au symphonique, ou une des premières fois. Ok. Quelle chanson au spectacle qui risque de nous mettre vraiment KO? J'aimerais ça que tu nous laisses un petit hint, là, mettons. Là. Ben, qu'est-ce qui va nous mettre à terre? Dans les pièces publiques, les pièces qu'on est sûr qui vont être très appréciées, évidemment, il y a Diablo 3, hein, qui est de circonstance. Tout le monde a été branché là-dessus cette année. Donc, on a sauté sur l'occasion d'interpréter le thème principal. Comme je disais tantôt, Castlevania, qui est un très, très grand succès. Et puis, évidemment, comme tu l'as nommé, Pokémon, tantôt, que Jocelyn nous a fait un arrangement totalement génial. On a super hâte de la présenter à nous. Oui, j'ai entendu la version que vous avez postée sur votre Facebook. J'ai fait comme, OK, version symphonique, sérieusement, ça risque d'être très, très intéressant. Mm-hmm. Oui, c'est super intéressant. Jocelyn a fait une job magnifique de partir d'une track qui est très simple. De la musique, je pense que c'était au Game Boy Advance, hein, oui. Pokémon. Pokémon normal sur Game Boy, oui. Ah, Game Boy, OK, bon. Et puis, de transposer ça à un orchestre, c'est fantastique ce qu'il a fait. Puis, ça va vraiment être un succès, j'en suis sûr. À quoi qu'on peut s'attendre également côté orchestre? Est-ce que vous avez agrandi au cours de cette année? Non, je te dirais qu'on a quand même gardé, évidemment, les musiciens changent. Hein? La majorité de nos étudiants, de nos musiciens sont des étudiants en musique, donc ils ont des obligations de temps en temps. On doit malheureusement remplacer de temps en temps quand ils partent, mais le concept est le même. La seule différence serait que l'orchestre a un an de plus d'expérience derrière lui, donc j'ai l'impression qu'on sonne encore mieux qu'on sonnait avant. Et puis, oui, c'est très bien. Vous offrez encore le CD lorsque vous vous présentez le billet à la porte, j'imagine? On a apporté une petite modification cette année. C'est les personnes qui ont acheté leur billet avant le 31 décembre. Ah, OK. Qui ont droit au CD. Donc, ces personnes-là, s'ils ont acheté auprès d'un musicien une petite étampe sur leur billet, sinon, s'ils l'ont acheté sur Internet, on a déjà le registre, tout ça, c'est déjà tout comptabilisé. Donc, le monde qui a acheté un billet avant le 31 décembre va avoir un CD de notre dernier concert, le concert épique, qui était fantastique. Avec des pièces comme Skyrim, le dernier Zelda. Écoute, c'était fantastique. Aussi Star Wars, The Old Republic, qui est très, très, très intéressant au niveau musical. Est-ce que vous avez eu un développement côté distribution à MP3 pour vos CD ou vous êtes encore en vente physique? On est encore en vente physique seulement, effectivement. On considère les MP3, mais c'est pas encore fait. OK. Fait que peut-être une alternative bientôt avec GarageBand ou quelque chose dans ce genre-là pourrait être envisageable, finalement. C'est sur la table. C'est sur la table. Faut voir comment développer ça, mais c'est effectivement un de nos projets. OK. Prochain, vu que le concert il est sold out, on s'attend qu'il va y avoir un prochain concert. Est-ce que vous avez déjà des dates de prévues ou... Oui, écoute, ça va être tout un concert. Là. Ça va être vraiment l'occasion de fêter notre 5e anniversaire. Et puis, on s'est payé la traite. On s'offre un concert à Zelda. Oh! Un concert à Zelda qu'on vient justement... On vient justement de choisir le répertoire. Donc, les dates vont être les 15 et 29 juin 2013 à la salle Pollack de l'Université McGill. Les billets devraient être en vente fin mars, début avril sur notre site web. Donc, évidemment, ceux qui nous suivent sur notre site web, ceux qui nous suivent sur Facebook vont voir ça affiché. Et puis, ça va être un événement incroyable. On a des partenaires qui vont venir faire de l'animation. On va avoir une exposition Zelda pendant l'intermède du concert. Ça va être quelque chose à pas manquer. Tu voulais rajouter quelque chose, Antithèse? Non, j'avais demandé si son répertoire, si c'était uniquement du Zelda, et il a répondu à ma question. Il a même fait plus qu'à répondre à ma question. Il a suscité mon intérêt personnel et j'imagine aussi ceux des auditeurs. Lorsqu'il a mentionné qu'il y avait également une exposition, d'autres animations. Puis on répète les dates, c'est quand juin déjà, s'il te plaît? C'est les samedis 15 et 29 juin. C'est 15 et 29 juin, ça c'est très intéressant. Très, très intéressant, surtout deux soirs. Je pense que c'est une des premières fois que vous faites deux soirs. Normalement, ça fait trois ans qu'en juin, on fait deux soirs. On garde nos gros concerts pour le juin, là, et puis on y va pour deux soirs. On se lâche là. Ah, ben tant mieux. Est-ce que vous avez une présence de prévue pour le GeekFest 2013? Le GeekFest, non, pas encore. Par contre, on devrait être à l'Otakuton. Okay. 2013, quand on a écouté, ça a été fantastique, notre expérience à l'Otakuton 2012. La salle était remplie, c'était vraiment extraordinaire pour les musiciens. Donc, on travaille fort pour revenir à l'Otakuton en 2013. Et puis, on est en pour parler avec le G-Animé 2014 aussi. OK. L'orchestre risque d'être pas mal occupé durant l'année 2013, finalement. On est occupé, on a des super beaux projets. On est aussi en train de travailler sur un concert avec l'Université de Montréal à la Maison Symphonique en juin 2013 à la salle de l'OSM. Donc, des super beaux projets qui sont là. Puis côté l'orchestre des films, est-ce que ça bouge encore? L'orchestre avant de musique de film, oui, on vient tout juste, je parle de on parce que je joue avec eux aussi. Mm-hmm. On vient de donner un super concert Star Wars il y a 2-3 semaines de ça à la salle Oscar Peterson qui était remplie, à peu près 600 personnes. C'était fantastique. On s'enligne pour la prochaine session avec un concert projection, donc un concert avec les séquences animées à l'écran. Ça risque d'être très très intéressant. Oui, effectivement. Antithèse, est-ce que tu as des questions de ton côté, toi? J'en avais une coupe, alors je vais aller avec des questions un petit peu bardées et on va essayer de progresser à partir de maintenant. Dans ton équipe, de musiciens. Là, on parle de combien de musiciens, entre autres, si la question n'est pas trop vague. On parle, écoute, ça varie beaucoup de concert en concert, mais on parle aux alentours d'entre 45 et 50 musiciens dans l'orchestre. D'accord, ça c'est pour tous les types d'instruments, donc si je veux dire instruments à cordes, instruments à vent. Non, on est un orchestre à vent, donc on a des instruments à vent et des percussions. On a une basse électrique et un piano qui sont techniquement des instruments à cordes, mais à la base, c'est un orchestre à vent. Ah, ok, c'est intéressant. Toi, tu dis que ça fait 5 ans que tu fais ça. Mm-hmm. Donc, d'où t'es venue l'idée de commencer ce projet qui est l'Orchestre symphonique des jeux vidéo? En fait, le projet est venu de notre chef d'orchestre, Jocelyn Leblanc. Benoît parlait tantôt de l'Orchestre avant de musique de film. Mm-hmm. C'est un orchestre que Jocelyn a fondé il y a environ 12-13 ans de ça. Et puis, il y a 5 ans, 2008, il a décidé d'en partir un deuxième et qui serait dédié à la musique de jeux vidéo. Donc, je suis embarqué dans le projet. Il y a aussi une de nos flûtistes, Catherine, qui est une des trois membres fondateurs. Et puis, depuis ce temps-là, ben, écoute, ça fait seulement grandir. On a un appui super du public. Et puis, on est rendu West Point. Puis, Justin, il est très, très connu. Votre chef d'orchestre, là, il est rendu qui fait des pièces également pour la télé américaine pour Sesame Street. C'est quand même. Oui, en fait, il a rien, là. Non, Jocelyn, il se connaît. C'est lui qui a fait des thèmes aussi pour Gérard Delaflaque qui passe à Radio-Canada. Mm-hmm. On est très, très, très chanceux de l'avoir. Parce que c'est quelque chose, hein, veux pas, un chef d'orchestre qui est quand même assez jeune, qui veut présenter des pièces de musique. J'écoutais même une entrevue avec Angèle Dubois, puis c'est tout récemment qu'elle a découvert cette section-là. Parce que là, la plupart des musiciens, ces temps-ci, ça se tourne beaucoup vers le jeu vidéo. Là. Effectivement, c'est des idées très innovatrices que Jocelyn a eues, tant au moment où est-ce qu'il a fondé l'Orchestre avant de musique de film, il y a 12-13 ans, il n'y avait pas grand monde qui pensait que ça allait fonctionner. Qu'il y a 5 ans, quand il a fondé l'orchestre de jeux vidéo, on se demandait tous, même nous-mêmes, est-ce que ça va marcher ça ou est-ce que ça va planter? Ça a marché. On est tous contents d'en être rendus où est-ce qu'on est. Ouais, voilà. C'est génial. Donc, question antithèse? Oui, j'aimerais savoir, là, présentement, sur 5 ans, vous avez juste fait le Québec / le Canada ou vous avez fait d'autres endroits? Ah, écoute, on se limite à beaucoup plus petit que ça. On est seulement à Montréal. Hein. C'est tous des musiciens amateurs qui sont dans l'orchestre de jeux vidéo. Faut le mentionner, c'est du monde qui font ça pour le plaisir. C'est du monde même qui paye pour être là parce qu'on a besoin d'argent pour fonctionner. Donc, évidemment, on n'a peut-être pas le temps et les capacités de partir en tournée à travers le Canada, même si on aimait ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est concentré à Montréal. D'accord. Donc, ça répond à mon autre question qui était si vous avez l'intention de faire ça, exemple, en Europe, qui également, c'est populaire, mais... Bon. Oui, effectivement, mais étant tous, comme je disais, des amateurs, majoritairement des étudiants en musique ou du monde qui ont un travail hors de la musique, ça demanderait énormément d'organisation. Si on a l'occasion de le faire, écoute, il y a des orchestres qui le font, qui partent en Europe pendant quelques semaines, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur la zone montréalaise et puis de bien s'établir ici. Pour obtenir vos CD de musique, comment on peut procéder finalement à l'achat? Ouais, pour l'instant, le seul moyen de les avoir, c'est de se présenter au concert. Donc, le monde qui sont au concert ont la possibilité d'acheter des CD. On est en train de travailler avec des partenaires pour établir des points de vente, mais ça reste à suivre au cours des prochains mois. Tu vas nous au courant? Oui, absolument. Antithèse, est-ce que tu as quelque chose à rajouter également? Actuellement, je suis... non, je n'ai rien à rajouter de plus, à part de dire merci à monsieur, à moins que... Ben, merci beaucoup, Sébastien. Écoute, merci beaucoup, Antithèse. C'était super gentil de m'inviter. D'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis, écoute, le concert il est sold out. Sinon, il y en a un qui s'en vient au mois de juin. Restez aux aguets. J'imagine que Sébastien va me tenir au courant pour le prochain concert. Probablement qu'on va faire une promotion sur notre site sans aucun problème. Effectivement, pour les fans qui veulent nous suivre, vous n'avez qu'à chercher l'Orchestre de jeux vidéo sur Facebook. On a un site qui est très actif. On pose des extraits de concerts, des extraits de pratiques, nos dates de concerts, etc. Donc, manquez pas ça, c'est super. Il y a même du monde qui vous filme en caméra cachée sur sur vos concerts. J'ai remarqué ça sur YouTube tantôt. J'ai fait « Ah! » Oui, il y en a plein. Il y en a plein, mais écoute. Mais ça... C'est une forme de flatterie, non? Dans un sens. Pardon? J'ai dit, c'est une forme de flatterie dans un sens. Effectivement, écoute, si on parle de nous, ça peut juste nous aider, hein? Évidemment. Oui. Ben, merci beaucoup, Sébastien. Puis, écoute, bonne chance pour votre show de samedi. Et sinon, ben, on se reparle prochainement au mois de juin. Merci beaucoup. Bonne Salut, soirée. Salut, à la prochaine. Salut. Bonne soirée. C'était vraiment génial, sérieusement. Qu'est-ce que tu en penses, Antithèse? Je m'excuse de t'avoir interrompu vers la fin. Sans le vouloir, d'ailleurs. Ben, non, non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment tu as trouvé ça? C'est-tu quoi? Moi, j'ai aimé notre expérience d'avoir été à deux pour faire l'interview parce que ça donnait qu'on était à deux. Mm-hmm. Sinon, je tiens à te féliciter pour la pertinence de tes questions envers Sébastien. Ben écoute, je l'ai déjà interviewé, fait que c'était facile pour moi de faire une entrevue avec parce que veux pas, je le connais un petit peu. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je jaserais avec quelqu'un qui serait très, très, tu sais, déjà, si je serais à côté de Denis Talbot, je serais gêné un petit peu, tu sais. Avec Denis Talbot? Même avec Denis Talbot, je serais gêné un petit peu, mais tu sais, je veux dire, Sébastien, vu que je l'ai déjà interviewé, que je sais comment il agit, comment il est bon, il est très bon en entrevue, ce gars-là, pour moi, c'est génial là, comparé à quand j'ai interviewé Cali Bear. Oh my god, j'ai eu de la misère, je peux t'avouer, là, j'étais en stress à tour de bras quand je l'ai interviewé. Il fallait en plus que je pense en anglais durant tout le long de l'entrevue. C'était mais quelque chose. C'est ton premier interview de toute façon. Non? Non, c'était Benzaï mon premier. Benzaï était mon premier. Puis Benzaï est quand même bien débrouillé, faut te le donner. Cali Bear, bon, regarde. C'était un grand moment pour moi. Puis j'espère au courant de l'année de pouvoir faire d'autres entrevues. Zachro, j'espère que vous avez aimé cette petite entrevue-là. Puis ça va peut-être vous donner le goût également de les suivre, l'Orchestre des Jeux vidéo de Montréal. Parce que sérieusement, ils sont vraiment géniaux. Moi, j'ai un de leurs CD à la maison, qui est c'est celui de concert en. Combien de CD en passant? Ils en font un par spectacle. Un par spectacle. Oh. Ouais, là c'est comme leur 9e, je crois, fait que ils ont comme 9 CD. Là, dès que je les revois prochainement, là, ben je vais essayer d'envoyer un message à Sébastien Bélanger pour acheter des CD parce que malheureusement, moi je peux pas être présent au show de samedi. Mm-hmm. Mais ça me fait un petit peu de peine. Hmm? Moi, ça fait un peu de peine non plus de pas être présent. Je veux dire, le show est sold out après tout. Mm-hmm. Mais on va voir. Je vais quand même les contacter pour avoir les CD. Ça là-dessus, je vais tenir au courant. Ben écoute, hey, j'ai oublié de te demander comment ça allait, Antithèse. Comment ça va? Ça va. Écoute, ça va très bien. Pour une fois, j'ai pu dormir un dimanche. Oh! Pourquoi je dis ça? Parce que le dimanche, depuis le dernier mois ou les deux derniers mois, je suis pas capable de dormir un dimanche. En passant, je dis salut à Actarus, notre cher Patrick Archambault. Hey, salut, man. Vraiment content de te voir. Ben oui. Qui nous suit présentement sur Twitter. Il est sur Twitter. Il m'a écrit dans mon message privé. Ah, cool. Ben salut, Actarus. C'est toujours un plaisir. Ah, toujours un plaisir parce que moi, j'ai toujours du fun avec lui. Puis son podcast, il est très, très bon. Suivez-le. Je vous le recommande. Si vous cherchez un bon podcast à écouter, là. Vous avez le plug de nom pour podcast? Oui, c'est réalité augmentée, je crois. Hein? C'est bien ça, Patrick? Je pense que c'est ça. Je me mélange avec un autre, peut-être. Ah non, c'est le podcast sans nom également qui fait. Ah, ouais, voilà. Le podcast sans nom, excuse-moi, je me suis mélangé avec un autre. Mais c'est le podcast sans nom qui fait. On a eu peur à m'emmener un petit bout parce que... Il y a un temps, j'ai essayé de faire un podcast avec JP Cardin. Puis. c'est parce qu'il est en train d'écrire sur Twitter. C'est épique de se faire dire salut en direct. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le podcast sans nom, c'est ça. Puis on a eu. J'ai la chienne un petit bout parce que dans le temps, avec JP Cardin, j'ai appelé un podcast qui s'appelait le podcast sans nom de Big Ben et JP Cardin. Puis. Lui, il sentait mal ce qu'il dit. Hey, c'est parce que c'est comme le nom un peu de mon podcast. Tu vois, t'es vrai, t'as raison. Tu sais, c'était pas voulu, c'était pas. J'avais aucune intention de faire de mal. C'est ça finalement. Ben, j'ai découvert son podcast, puis il est vraiment bon. Je vais même vous plugger son podcast. C'est lpsn.ca. Si vous voulez le suivre, allez voir. C'est vraiment un bon podcast. Je l'écoute à peu près une fois aux deux semaines, trois semaines. Je m'en tape un ou deux quand il y a le temps d'en faire. puis je les écoute au travail, c'est vraiment bon. Ah, c'est il en fait pas une par semaine, c'est pas régulier? Ben, ça dépend. Des fois, il peut prendre une petite semaine de vacances, ce qui est correct, parfait. Nous autres, on l'a fait souvent. Mais non, c'est ça, c'est bien correct. Il fait un très bon podcast, puis c'est très, très bon. Puis, des fois, il est capable d'en faire un aux semaines. Des fois, il est capable d'en faire un ou deux semaines. Mais c'est ça, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que tu fais de bon à part ça? Qu'est-ce que tu as joué récemment? Récemment, écoute, j'essaie de me minder à jouer au PlayStation 3, surtout avec les nouveaux jeux download qui m'intéressent, comme Cinemora et Black Sword Knight, tous deux conçus par mon auteur de jeux vidéo préféré, Suda51. OK. Puis t'as vraiment du gros fun. C'est beaucoup de 3DS, je te dirais, parce que j'ai beaucoup de voyagements. Mm-hmm. Je travaille sur ma prochaine critique qui est pas mon horaire finalement, mais qui vaut la peine d'être qui va avoir la peine selon moi que j'en parle. Sinon, mais écoute, t'es pas sans savoir que je me suis procuré un téléphone Android. Ah, ok, ouais, ça c'est quand même une console. Android, c'est quand même une console là. Ben, oh, mais c'est le temps, alors je me suis downloadé des jeux. OK. Des jeux gratuits pour faire le test, savoir si Android, c'est vraiment une... ça vaut la peine en tant que console. Je sais pas ce que t'en penses. Là-dessus, je sais que Marie serait d'accord avec moi si elle m'entendait, mais... Android, là, c'est pas fait pour les consoles... C'est pas fait pour les jeux d'aventure, mais pas en tout. Marie, elle est sur iPhone, fait que là-dessus, ouais. C'est très, très différent. En passant, le podcast sans nom est régulier à cette heure. Il est hebdomadaire, c'est ça que Patrick vient me dire. OK, good. Sinon, bonjour également à Dominique Simard et à Éric Richer. Merci beaucoup de nous suivre en ce moment live. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a du monde qui nous suit live présentement sur Twitter. Cool. Je suis pas habitué, hein? Ça fait bizarre de voir du monde qui nous suit en présent live. Surtout, est-ce qu'on a fait de la pub avant? Quand je parle avant, max, je pense que j'en ai fait 2 heures avant. Puis oui, il y a un petit concours tantôt. Il y a un petit concours qui s'en vient tantôt. Je vais faire tirer un jeu. Mais ça va être. Le tirage va se faire la semaine prochaine. Je vais vous dire à la fin c'est quoi le jeu que je fais tirer. C'est bon. Fait que c'est ça. Toi, tu joues à des jeux Android, mais t'as un petit peu de. Donne un exemple. Il y a des jeux que je me suis pogné. Mm-hmm. Ça s'appelle Dead Trigger. Ok. C'est un first person shooter d'outils que toi tu tires des zombies. Donc dans le fond c'est pense un peu à pas Left 4 Dead. Oui dans le fond excuse-moi aussi ça je veux dire. Pense à Left 4 Dead mais pour okay. Android puis quand même moins intense parce que y a pas de façon de jouer en coopération, c'est plus basé sur l'histoire aussi qu'en tant que jeu. Comme un Doom, mais avec des graphiques améliorés, quoi? Actuellement, les graphiques, le setting de base que moi j'ai comme graphique, c'est supposément être à basse résolution. Puis les graphiques sont extrêmement assez extraordinaires pour l'Android. Ah, ok. Fait que je me dis, si les graphiques bas sont relativement extraordinaires puis fluides, ça va être quoi le maximum? Je sais pas. Parce que je peux changer la résolution sur le jeu. OK, je sais pas, mais je t'avoue que c'est surprenant comment qu'une tablette ou un téléphone a réussi à faire des très beaux graphiques. Sérieusement, ça m'étonne. Puis je vois également que ça inquiète les compagnies de jeux vidéo, comme Nintendo, PlayStation, parce que je les vois qu'ils essaient de sortir des petits jeux ou des affaires de même sur leur console. Plus ça va, plus je te dirais l'Android pour prendre l'expansion, surtout mm-hmm. avec la gratuité des jeux offerts, puis sinon les excellents jeux, mais aussi moins excellents jeux que quelqu'un sur l'Apple, soit Google Play ou l'Apple Store. C'est parce que la distribution coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'un jeu sur console. Oui, c'est sûr. Puis tu payes des peanuts aussi, là. Oui, absolument. Soit tu peux l'avoir gratuit ou tu payes comme 1 piastre, 2 piastres. C'est là la différence. Là. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, y a, pour l'instant, ma seule déception du Google Store, c'est qu'ils n'ont pas 7Guess. Marie peut avoir 7Guess, comme j'ai dit il y a quelques podcasts, mais puis c'était 5$, c'est le premier jeu qui était fait sur, sur CD, sur le média du CD, c'est, ça demeure un très bon jeu à ce jour. Oui, c'est un jeu de puzzle, dans le fond c'est ça, c'est plus pour les jeux de puzzle, je te dirais, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. T'as essayé l'iPhone de Marie. Je t'avoue que Marie, elle a plus souvent son iPhone dans les mains que moi je pourrais toucher. Oh, Marie, parlant de l'iPhone. Ben non, Ben. Quand non, même. Mais de toute façon, j'ai assez de jeux sur ma tablette quand même pour me divertir un petit peu. J'ai une tablette Android que j'avais déjà discuté auparavant. Ouais. Mais tu sais, malheureusement, là, vu que c'est une tablette cheap, ben ouais. J'ai des jeux cheap. Puis je suis pas capable d'installer le Google Play là-dessus ou je suis pas capable d'aller chercher les bons jeux. Puis c'est ça qui m'agace un peu. Mais écoute, mais encore une fois, pour 100$, si tu peux juste gosser sur Internet, puis sans trop entre les passants dans le fond, répondre à tes messages, voir des informations bien vite. C'est ça, moi un téléphone, ça se peut, oui, mais moi un téléphone, regarde, ça me sert juste à texter. Fait que j'ai la misère à me minder à jouer avec. J'ai un iPod Touch que j'ai ici. Ouais. Le seul jeu que j'ai, là. Mm-hmm. J'avais téléchargé en plus Walking Dead, puis j'ai quand même fait non, je suis pas capable de jouer là-dessus. Je suis pas capable de jouer à Walking Dead sur iPod. Fait que non, c'est des petits jeux genre Felix Fixit, Sonic 2, que le contrôle est vraiment mauvais. Je vais essayer de le montrer à la caméra pour ceux qui nous suivent live présentement. Felix Fixit. Après ça, j'ai une question de la part de Shazix. Ok, je vais juste finaliser ça. Fait que c'est ça, j'ai Superman que j'ai déjà fait la critique, que j'ai comme détesté. Felix Fixit, sérieusement, c'est un des petits jeux que j'aime bien sur iPod Touch. Je le trouve vraiment cool. Angry Bird, je pense que c'est le classique qu'il faut avoir sur toute console portable de même. J'aime bien Angry Bird. Ah, moi j'aime ça. Sérieusement, là, ça. Surtout dans le métro. Dans le métro, je m'emmerde, là. Ben oui. Faut juste que je me lance dans d'autres choses. Je fais juste jouer à ça, puis c'est correct. Sérieusement, j'ai bien du fun. Oui, tu peux gagner avec ta question de Shadix? Oui, bien sûr. Après, je dirai mon truc. Elle te demande, tu fais tirer ton jeu de l'échange de cadeaux? Non, pas le jeu de princesse. Je sais que personne va vouloir l'avoir anyway. Non, je ne refile pas un cadeau. Je suis assez fin. Non, ça va être un jeu téléchargeable sur Steam. Je vais vous en dire un petit peu plus tantôt. Mais oui, je vais donner un code pour Steam pour quelqu'un qui va avoir un jeu gratuit là-dessus. D'ici la semaine prochaine, mais je vais vous dire tantôt c'est quoi. Nice. Fait que, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais conclure quelque chose? C'est quoi? J'ai perdu le fil de l'idée. Bon, mais je vais y aller d'abord avec les jeux que j'ai joués cette semaine. Ben oui. Écoute, j'étais en vacances. Ça m'a vraiment fait du bien. Hein? J'ai dit, ben oui, mon chanceux. Oui, ben écoute, ça faisait un petit bout que j'avais pas pris de vacances, fait que ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a permis de pouvoir réinstaller des vieux jeux que j'avais sur PC. Okay. Encore, j'en avais plein d'autres. J'ai remis Portal 2. Bon, on dit que j'ai du fun à jouer à Portal 2. Sérieusement, là, oh my god, j'ai le fun. Sinon, à part ça, j'ai réinstallé Warcraft 3. J'avais classique. Classique. Là, j'hésitais. Je mets-tu StarCraft 1, je mets-tu Warcraft 3. Ah, ça me semble que je filerais pour Warcraft. Juste parce que quand j'étais jeune, le pire, c'est quand le jeu est sorti, j'ai dit, l'idée d'un héros, je trouvais ça stupide, mais faut que tu joues à Warcraft 3 pour comprendre c'est quoi le feeling de jouer avec un héros là, dans un jeu RTS. Puis c'est là que tu trouves vraiment que tu as le fun à jouer avec. Là. En passant, le jeu, Patrick Archambault dit que le jeu, c'est League of Legends. Quoi? League of Legends. Ouais. Je pense que c'est ça que le jeu que tu parlais tantôt. Oui. C'est ça. sinon, à part ça, ben écoute, j'ai joué pas mal avec ma 3DS, mais j'ai joué à Pokémon Pearl. Parce qu'on avait jasé la semaine passée. On avait jasé de Pokémon. Oui. Puis notre cher Shadix a dit non, c'est quand même des jeux qui sont appréciables à jouer parce que vu que ils ont d'autres sortes de Pokémon, mais ils ont quand même des ressemblances beaucoup similaires avec les anciens. Fait que tu te replaces quand même assez bien. J'ai dit bon, ben ok, je vais me donner une chance. Je vais jouer à Pokémon Pearl. Puis finalement, ben écoute, j'ai réussi à avancer ma game de 3 trainers de plus. Fait que non, je suis content. Ah, j'ai vraiment eu du fun. Puis sinon, j'ai joué un petit peu à Chrono Trigger. Oh, le classique. Le classique que j'ai sur... Sur quel console? Moi, j'allais sur DS. À toi avec? Nice. J'allais sur DS, j'allais aussi sur PlayStation 1 parce que je l'avais dans la collection avec le Final Fantasy 4. Mais je trouve que ça va bien, ça joue très bien sur 3DS, heureusement, sur Oui. DS finalement. Là, le jeu se joue très bien. PlayStation 2, c'est le loading, il est affreux. PlayStation 1. Oh. Activ Non, c'est ça, le jeu, c'est. Tu sais, je veux dire, le PlayStation 1, oui, c'est les loadings sont longs, mais tu sais, je comprends un peu, il y a des cinématiques, puis. Mais, hey, j'ai joué avec ma PS1 aussi, Ouais. que j'avais acheté à Giga. Ceux qui ont regardé la vidéo du gros colis que j'avais reçu de Giga. Ouais, il t'a donné des jeux? Hein? T'as donné des jeux? Non, il m'a donné des jeux, j'ai juste essayé. J'ai essayé Tarzan dans un batch. J'ai même pas encore tout joué. Mais. Ah non, j'ai joué aussi à Gran Turismo 2. Mais j'écoute, j'ai embarqué les loadings, là. Tu sais, j'avais mes vieux CD, c'était Dark Forces Star Wars. Je le mettais. Je pars à le play. Puis sérieusement, je trouvais que les loadings étaient moins longs sur ce petit PlayStation-là que sur mon ancien gros. Oh my God. Je sais pas si vous avez remarqué ça, les accros, là, mais est-ce que vos loadings étaient meilleurs avec le petit PlayStation? Parce que moi, je trouve que Ben, ça c'est vient voulu. de. Écoute, mes loadings sur PlayStation 2 étaient plus longs, je trouvais, qu'avec le petit PlayStation 1, mais ça, c'est. Je trouve ça bizarre, là. C'est effectivement bizarre, mais c'est peut-être parce que aussi. Bon, c'est ça. C'est juste qu'il faut se penser que la PS2, c'est juste qu'elle est rétro-compatible à la PS1. Fait que Oui, PlayStation 2 est rétro-compatible avec la 1. Comment? Intégralement. Oui. C'était la joie, mais c'est sûr que ça devait avoir un petit lien. T'sais, je veux dire, je sais pas si les loadings étaient meilleurs sur PlayStation 2, mais en tout cas, je trouvais que le petit PlayStation 1, ça allait bien. Il a bien pris soin de son PlayStation, en tout cas, avec Giga, ça, je peux te le dire, en direct live. Ouais, mais Giga, il prend. Giga, écoute, c'est le gars qui sur le site des accros a publié des articles de comment littéralement faire revivre votre Nintendo. Et ça marche. Oui, je l'ai fait. Hein. J'avais un Nintendo que j'avais acheté, je pense, une dizaine de pièces dans un marché aux puces. Puis, écoute, j'étais pas capable de rien faire. Giga m'a dit, rachète-toi des pins, puis ça va partir. Puis c'est ça qui s'est passé. J'ai acheté une pin, je l'ai démonté mon Nintendo. Puis je voulais le pire, c'est que j'avais pensé à faire une vidéo critique de, ben pas de faire de critique, mais tu sais, de faire une vidéo montage, là, de montrer sur YouTube comment remonter son Nintendo. Ok. Mais je l'ai fait pareil. Puis sérieusement, c'était vraiment cool, là. Nice. Le Nintendo marche très bien. Marche mieux Oh que oui. ta FC3, FC33. La FC3. Écoute, j'ai quand même donné un 7 sur 10 la FC3, hein. Puis je le pense encore que c'est une bonne note. Écoute, c'est quand même une bonne machine. C'est juste qu'il y a des gros défauts que je pense que c'est voulu de la part de la compagnie. Tout d'abord, mettre un port de manette qui est exclusif à eux autres, ça là, c'est vraiment chien. C'est poche, c'est C'est poche. très poche, mais écoute. La manette va quand même relativement bien. Lorsque tu joues à des jeux de combat, tu as juste à switcher tes boutons, c'est correct. Il y a des jeux sur Spinning que tu peux switcher les boutons. Là. Fait que ça pose moins de problèmes. Mais c'est sûr que c'est gossant quand tu joues à un jeu de Nintendo ordinaire et que tes boutons sont mélangés. Là. Oui, C'est oui. plus ça qui m'agaçait. Mais tu sais, puis c'est voulu parce que j'ai une première console de Yobo ici, là, la petite console blanche et rouge qui fait une copie de la Nintendo. Je l'ai ici. Puis, ils ont vraiment des ports manettes pour le Nintendo, puis tout marchait. Le gun marchait dessus, les manettes normales, même le gros joystick, je l'ai ici, puis je l'ai essayé sur le petit Yobo, puis ça a marché. Génial. Mais c'est ça, c'est ce que je trouve plate, puis écoute, c'est pas, j'ai quand même un très très bon jeu. C'est une bonne console, pareil, puis comme je l'ai dit, c'est un bon achat, mais si vous avez vraiment pas de chance, si vous avez pas d'autres consoles, d'abord, allez vous chercher les consoles normales. Je pense que c'est ça le primordial, là. Allez vous chercher les consoles normales si vous voulez jouer vraiment classique, classique. Mais si vous vous en trouvez pas, vous pouvez investir dans un Retron 3, ça va être très bon pareil. Ou si vous ne trouvez pas de Retron 3, allez vous chercher une FC3 pareil. C'est quand même une bonne console. Il y a des bons points positifs. Il y en a quelques-uns qui est moyen, mais c'est correct. C'est quand même une console qui se joue bien. On va marquer des nouvelles. Ouais. Écoute, je pense qu'on peut embarquer dans les nouvelles à cette heure, vu que je suis pas capable d'avoir des. Parce que je vous avoue, les accros, j'essaie de faire une sorte de vidéo montage semaine où on va jaser de de nouvelles, mais vu que je le fais directement live en podcast, je pense que ça vient d'embarquer un peu en même temps, tu sais. Mais on va quand même en jaser de news. Puis, ben écoute, les nouvelles cette semaine, écoute, il y a beaucoup de spéculations à propos des nouvelles consoles. Oui, en prélu que ce sera en printemps prochain que sortirait la 720. Mm-hmm. Ah, c'est quand même, tu peux me permettre de te faire rêver. Ça fait au moins un an et demi, deux ans que je savais, mais je pense que c'est pas non plus un secret de polichinel, que Microsoft travaillait sur la Xbox 720. Ben, je pense que c'était vraiment un secret de polichinel parce qu'on s'attendait vraiment à ça, là. Ben oui. On était rendu là, là. Ben oui. Maintenant, c'est de savoir, par exemple, c'est quoi les specs? Les specs. C'est sûr que je m'attends. De ce qu'on jasait, de ce que j'entends la plupart des commentaires, c'est que Xbox veut vraiment sortir un système qui est multimédia. Donc, mettons ton ordinateur, tes affaires de même, d'Internet, ce serait tout par rapport dans ton ordinateur, dans ton salon avec ta console Xbox 3. Mm-hmm. Et que PlayStation irait vraiment avec une console, que ça serait juste une console de jeux vidéo qui n'aurait pas d'être côté. Ce qui vraiment serait le contraire de ce qu'ils ont fait avec la PlayStation 3, que PlayStation 3, tu peux plugger ton Internet dessus, tu peux aller chercher tes photos sur ton ordi, tu peux faire plein d'affaires. Fait que j'avoue que j'ai hâte de voir les deux annonces. Ça a l'air qu'on aurait des nouvelles pour la PlayStation 4 dans les alentours du 20 février, ce qui m'étonne beaucoup. Je m'attendais peut-être plus à des nouvelles plus tard. Des nouvelles, c'est juste pour moi. Sony se rend compte qu'il faut qu'ils moussent leur machine s'ils veulent pas non plus perdre la face face à Xbox. J'en sais rien, sérieusement. Comment c'est mon opinion? C'est ça. C'est une spéculation. Selon moi, où est-ce qu'ils sont rendus, ils peuvent pas tourner de bord. Non, c'est ça. Et ils peuvent pas dire, OK, on va acheter des nouvelles cartes graphiques dessus. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire ça. Non. Mais bon, écoutez, rendu là, j'ai hâte de voir le 20. Si c'est vraiment ça, cette nouvelle-là, voir si c'est-tu la PlayStation 4. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Selon moi, ce ne sera pas une grosse update de la PlayStation 3. Parce que je m'attends pas à voir quelque chose de malade. Je m'attends juste à être comme, OK, tu sais, ça a l'air, il y a des petits updates de plus. Je pense que PlayStation ne la vendra pas si cher que ça. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se tirer dans le pied s'ils continuent leur mode de vendre leur console à 700 000 $ avec... Ben, ça a pris du temps à vendre. Ça a pris du temps à vendre la PlayStation 3. Moi, je trouve, là, j'étais dans les magasins de jeux vidéo dans ce temps-là, puis je vendais peut-être deux ou trois Xbox, là, qui coûtaient comme 100 ou 150 $ de moins pour une PlayStation 3. Sans compter que la Xbox 360... Puis je voyais que chaque fois que j'avais une Wii, elle partait automatique. Ouais, effectivement. Ça, c'était dans le temps de Noël, là. Je vous parle de Noël 2010, là. Je vous avoue, j'en vendais en maudit, là. Excusez-moi. Mais la Wii était vraiment la plus abordable à ce temps-là. Puis ce que je veux dire sur la Xbox 360, c'est le fait qu'elle était sortie prématurément. Oui, la 360 est sortie prématurément. Puis chaque update avait quelque chose qui se rapprochait d'une PlayStation 3. Ben, c'était long, là. Écoute, la mienne, j'ai la Xbox Elite en ce moment. Tu m'as pas lâché, je suis encore surpris. Hein? T'as deux Xbox chez vous, je pense, en plus. Non, j'en ai juste une. Moi, j'ai une Xbox normale puis une Xbox 360. Et tu as Dead Rising. Oui, j'ai Dead Rising. Le premier. Curse you, Big Ben. T'as de moussé. Non, mais petit inside, c'est parce que moi, d'habitude, à chaque fois que quelqu'un dit va chier Ben ou quelque chose de même, moi, je dis toujours, moi, tout, je t'aime. Je suis trop comme ça. Non, j'ai dit curse you, je t'ai pas envoyé chier. Non, je sais. En passant, Actarus nous dit qu'on peut trouver les consoles originales partout, surtout sur eBay. Oui, t'as bien raison. Mais moi, je suis plus quelqu'un qui va acheter directement sur... j'aime mieux voir la console devant moi que sur Internet parce que je me dis, si le gars, il fait pas attention, je peux pas le voir vraiment l'état puis je vais recevoir une console qui est comme plus ou moins en état. Je sais qu'il y a une politique de remboursement sur eBay, mais je préfère même éviter ça. Puis quand tu vas dans les encans, mais pas dans les encans, mais dans les marchés aux puces, tu peux voir la console. Fait que, c'est là que tu peux bidouiller. Puis la console m'a coûté moins cher que si je l'ai acheté sur eBay. C'est un char dealer sur eBay pour les politiques de remboursement ou quand il y a des pépins. De tester ou peu importe. Mais même si pour eBay, ils niaisent pas avec ça, ils veulent pas niaiser avec ça. Mais ça peut prendre du temps, puis garde, quand même, tu te pointes une plainte. Moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est plus comme, regarde, là, je préfère mieux voir la console, puis essayer d'éviter ça avant. Puis, Oui. au pire, une Nintendo ordinaire, ça se répare très bien. Les Super Nintendo, sérieusement, les Super Nintendo, là, je pense que c'est une des consoles qui est la plus tough. J'ai Oui, jamais vu une PlayStation, mais j'ai jamais vu des Super Nintendo briser cette enceinte. hein? Genesis, un petit peu de misère. Surtout avec le premier modèle. Si vous trouvez un premier modèle, vous risquez d'avoir un petit peu de misère. Mais si vous avez un deuxième modèle ou troisième modèle de Genesis, allez-y, il n'y a pas de problème. Le add-on du Sega CD, oublie projet. Ben là, ça, oublie ça. Non, non, non. Ça, les add-ons de CD, les consoles CD des années 90, très, très difficiles. À part une Dreamcast, puis peut-être une fois de temps en temps, une Saturn. La seule affaire avec la Saturn, vous devez vérifier si votre pile est. Si vous devez acheter une nouvelle pile. Point. Oh my God, oui. Parce que sinon, vous n'avez pas de sauvegarde. Fait que, ça, par exemple, les piles, ce qui est le fun, c'est que vous avez juste à aller chez à la pharmacie et en vendre. Ah, au moins ça, c'est J'étais allé chez mon Jean Coutu du coin, dans le temps que j'avais ma Saturne, puis je l'avais changé là. T'avais une station? Oui, j'ai déjà eu une Saturne pendant quelques mois. Mais finalement, je Ah. l'ai revendue. Dans le temps que je revendais mes consoles puis mes jeux à tour de bras, je l'avais revendue genre pour un autre jeu, je ne me rappelle plus quoi. Je pense que je dois l'avoir revendue après, tu sais. Et Mais. là, de l'autre, tu es un fier collectionneur. À ce temps, je suis rendu un fier collectionneur, puis je suis vraiment fier de le faire. Parce que sérieusement, je vais vous dire quelque chose qu'un gars m'a déjà dit dans le temps que je travaillais dans un magasin. Tu vas t'en vouloir à un moment donné quand tu vas avoir vendu ton jeu. Puis après ça, tu pourras plus jamais le revoir. Puis de m'emmener, je pense que mon dernier jeu que j'ai vendu, c'était mon Diablo 1. Puis je m'en suis voulu. Oh mon Dieu. J'ai vendu ça 40$, je pense. Puis là, je le check des fois sur eBay, puis ça monte à 60, 70. Tout dépendant de l'état. Moi, le mien est en super bon état, là. Puis, Okay. j'ai comme fait. Non, là. Puis, j'aime Diablo 1. Le pire, c'est que je suis à peu près un des seuls qui a aimé Diablo 1 sur PlayStation 1. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont pas aimé. Fait que, non, c'est ça. Depuis ce temps-là, non, je revends plus de jeux. Tout est à moi. Quand j'achète un jeu, je le garde. Puis, s'il arrive de quoi, ben, probablement, je vais le revendre. Ben, je veux dire, s'il arrive de quoi, je vais vendre ma collection au complet, mais je ne le revendrai pas. Ça, c'est sûr que non. Moi, mon conseil pour ça m'en quand même beaucoup pour vendre un jeu quand comme Big Ben, j'ai vendu des jeux que j'ai commencé à avoir des regrets. C'est ça, on s'en veut après, là, puis Parfait. ça se fait plus, ça se fait plus. Sérieusement, là. En passant, ben, Actarus nous jase beaucoup. Il dit qu'il est d'accord avec nous autres que la meilleure place à vendre, d'aller chercher sa Nintendo, c'est à Carignan puis à Saint-Eustache. Moi, tu vois, je l'ai pogné à Saint-Eustache d'un vieux monsieur. Tout comme mon Atari 2600. Ouais. Mon Atari 2600, je l'ai pogné à 10$. Il était. OK, il n'y avait Wow. pas de bloc d'alimentation, puis j'avais pas de plug pour le brancher dans le mur. Mais je venais pour le brancher dans la télé. Puis j'ai tout été rechercher ça sur eBay. Puis ça m'a coûté comme une dizaine de pièces pour les deux morceaux, là. Fait que Fait dans le que. fond, j'ai 30$ à avoir une console Atari. 20$. Non, ou 20, excuse-moi, 20$. Alors, Écoute, le petit connecteur pour le fil de la télé, là, j'ai payé ça 2$. écoute, là, C'est c'est un. ça de gros, tu fais juste rentrer ça, that's it, tu peux Oui. brancher ça dans le câble. C'est un Génial. fait. C'est C'est un juste mon bloc d'alimentation, ça. C'est ça, je l'ai trouvé chez Radio Shack dans le temps que ça existait encore. J'ai pogné un bloc d'alimentation où tu peux choisir ton voltage. Puis c'est d'habitude, je m'en sers également pour lorsque mon fil de Sega Master System a de la misère. C'est ça que j'utilise. Puis génial. Ça, c'est un must à avoir dans sa collection de jeux vidéo. Un bloc d'alimentation. Même ça Oh. sert à tout. Mais je pense que la source en vend encore des comme ça. Sinon, si la source n'en vend pas, moi je suis sûr à 86% que Addison sur Jarry ou Madison sur Delorencier de Laval en vendent. Ok. C'est spécialisé sur les consoles électroniques de ce genre-là, les blocs d'alimentation multiples, les haut-parleurs, des jeux de lumière, des claviers souris sans fil pour pas cher. Des trucs de même. Je suis en train d'écrire sur Twitter à Patrick Archambault pour lui dire que je t'invite dans pas long dans le podcast tellement qu'il nous jase, c'est vraiment le fun. Ben oui, ben oui, c'est... Why not? C'est parce qu'il dit également que sa Nintendo, sa Super Nintendo, ça fait 25 ans qu'il l'a et qu'il marche encore. Puis sérieusement, je comprends pourquoi, parce que la Super Nintendo, je pense que c'est l'une des seules consoles qui offrait un bouton eject. Ça veut dire oui. Je pense que c'est peut-être pour ça que les cassettes sont moins scrap. Sérieusement, les pins marchent encore. J'ai jamais eu de problème avec mon Super Nintendo. Moi, ça fait une dizaine d'années que je l'ai le mien. Je travaillais dans le temps chez Jeux Express, puis j'ai jamais eu de problème, sérieusement. Puis ça se vend cher à cette heure, c'est 50-60 pièces une Super Nintendo. C'est sérieux? De ce que j'ai vu à Montréal, là, dans les pawn shops, là, c'est... en tout cas, ils vendent 50-60 pièces avec les deux manettes. Ils savent qu'ils peuvent chercher de l'argent. Tout à fait. Donc, écoute, à ça, les pawn shops, là, qu'on s'entende, là, ils s'amusent à vendre leurs produits quasiment au, surtout les jeux vidéo en fait, au prix du neuf. Mm-hmm, tout à fait. Quasiment. Alors qu'ils sont supposés de le vendre soit au tiers du prix du retail, soit mettons qu'ils te l'achètent pour genre 2-3 piastres, on peut ensuite de le vendre pour gros maximum 10 piastres, mais regarde, il n'y a personne qui vérifie ça, il n'y a personne qui check ça là. Fait que c'est pour ça que les pawn shops ont de beaux jeux pour ça. Ah oui, parce que c'est le monde qui veut l'avoir genre right now, mais tu sais, si on est un bon chercheur, on connaît les bonnes places, vous êtes capable de payer un jeu quand même le prix le moins cher possible. Moi, je sais que, regarde, par exemple, je regarde souvent le magasin de Papa Cassette. Ça, c'est un de mes conseils. Allez voir le magasin de Papa Cassette. Quoi, c'est sur au marché métropolitain, ça? Non. Ça, c'est un gars qui s'appelle Papa Cassette. C'est un animateur de... Il fait le podcast Rétro Nouveau. Puis, il y a également un magasin. Je vais te mettre le lien sur Twitter. Lui, ce qu'il fait, là, vraiment, là, il va chercher les ventes spéciales, genre sur eBay ou quelque chose de même, whatever. Puis, après ça, là, ce qu'il fait, là, il va... c'est ça, il fait des ventes après. Là. Puis, il trouve des jeux, là, vraiment, là, ça vaut la peine. Là. Écoute, là, j'en bave en ce moment sur plusieurs. Là. J'en bave, là. Il vend des jeux, là... Regarde, Final Fantasy 3, 80$. C'est vraiment pas cher comparé à du eBay. Je trouve que des fois, eBay, ça peut monter très cher. Oui, il fait une liste, puis en plus, genre, si tu en cherches des jeux, des fois, tu peux lui laisser ton nom, puis il va te le trouver, il va t'envoyer un email. Cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment commode. Hey, on commençait à jaser de la PlayStation 4, puis on s'est rendu jusqu'à parler de cassette. On est vraiment hot. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, ça. Prochain film, le film Warcraft, qui va être dirigé par Duncan Jones. C'est officiel? C'est officiel, il l'a annoncé sur son compte Twitter. Que le film devrait arriver en 2015. La seule chose, j'en jasais avec mes chums en fin de semaine, c'est que le film possède juste un budget de 100 millions de dollars. Ah, oh, c'est pas tant que ça. Alors, c'est pas beaucoup, fait que j'ai l'impression que ça va être un film d'animation. Je me demande, c'est un film 3D, tu penses? C'est un film... J'ai l'impression que ça va être ça, parce que, écoute, engager du monde pour mettre des make-up dans la face, puis de m'habiller en orc, puis en tauren, regarde, ça se peut pas, là. Tu vas être obligé de mettre ça en animation, là. Oui. Sinon, tu n'engageras pas de gros noms, tu ne seras pas capable de faire beaucoup de publicité. Non, c'est pas possible. Moi, à mon avis, là. Non, tu as raison, tu as vraiment raison. J'ai bien hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner comme show, comme film finalement. Je suis un grand fan de Warcraft depuis le début. Écoute, même Marilyn en arrière, elle adore Warcraft. Ah, elle est en train de jouer en plus, en même temps. Ben moi, tu sais, j'ai encore mon Warcraft 2 sur PlayStation 1. Pour dire comment je suis content, là. C'est un vrai de vrai. Ça, je suis content, puis je ne l'ai pas payé cher, c'est ça le pire. T'as payé combien ça? J'ai payé le CD 5$. Oh my god! Mais le CD est 5$, puis la boîte, j'ai été la trouver sur eBay. Je pense que j'ai payé une dizaine de dollars. Le gars, il avait juste la boîte. Fait que la boîte a coûté plus cher que le CD. Oui, mais j'ai vraiment un jeu complet. Tu sais, c'est quelque chose, tu sais. Dans l'autre nouvelle, parlant de ça, si je peux me permettre. Oui. Est-ce que tu savais que le prochain X-Men, Day of Future Past, va être tourné ici même à Montréal. Oui, ça c'est nice. Puis Jeu est arrivé à Montréal en dimanche passé, dans le fond hier. Il va visiter le tournage, mais c'est sûr que ça va se faire à Montréal quand même. Ben, c'est sûr qu'au pays, ils vont faire ça directement dans les studios Mouse. Là. On s'entend qu'ils viennent toujours au studio Mouse. Puis si on dessine à tourner, genre européen, ben, on va aller dans le Vieux-Montréal. Ben oui. Ils feront toujours ça. Mais j'ai très hâte. Écoute, moi, X-Men-là, c'est celui que. Écoute, j'ai tellement été déçu par X-Men 3 puis le Wolverine que là, je vais être rendu. Que depuis que le nouveau X-Men First Class m'a redonné le goût, j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme suite. Surtout que ça va mélanger les deux séries. Là. Oui, c'est ça qu'ils prévoient faire et la sortie est prévue pour, je pense, l'été 2014. C'est quand même rapide, mais on laisse leur une chance selon moi. Là. Ça va être très très bon. Ah, tu vois, Actarus, il dit que c'est un de ses amis qui va s'occuper du montage final. Hey man! Ah, oh, ben là, je suis jaloux. T'es big, Actarus! Là, je suis jaloux. Je veux qu'Atarus sache que je suis jaloux. Écoute, j'aimerais vraiment ça. Je veux dire, juste avoir la chance de voir un tournage, là, ça serait vraiment génial. Vous pouvez voir Wolverine manger une poutine. C'est un Canadien, il faut qu'il mange au moins une maudite poutine dans sa vie. Il faut qu'il nous montre ça sur Internet. Oui, Wolverine, il est Canadien. Je pensais que tu parlais de dire que... Oh, oui, je sais qu'il est Canadien. Il est Canadien. Oh oui. Ben, il faut qu'au moins qu'on le voie manger une poutine. Je sais pas si dans les BD il en mange une à m'emmener, là, mais je veux le voir. Oui. Ça serait un gros trip, là. Tu sais, c'est comme moi quand je regarde, quand je jouais à... comment ça s'appelle? J'ai fait la critique du jeu Scott Pilgrim. Oui. Puis que tu rentres dans le magasin, un restaurant, puis tu vois poutine. T'es comme, nice. Donc, by the way, prochainement, ils vont rendre téléchargeable la possibilité de jouer en ligne avec Scott Pilgrim vs. The World. Ça va être nice. Sérieusement, c'était une des grosses lacunes qui avait fait baisser le jeu quand j'ai critiqué. Mais là, puis, ils vont taper. Ben, c'est cool, ça, sérieusement. Puis, le pire, c'est que le jeu est sorti il y a quoi, 2 ans? Dans moins de 2-3 ans, fait que c'est ça que je te dis. Puis qu'ils le tiennent encore à jour, ça veut dire qu'ils vendent bien. Écoute, quand on m'a acheté ma prochaine carte PSN, écoute, moi, c'est, comme je dis tantôt, c'est Cinemora, Black Sword Knight de jeu par Studio 51, et c'est sûr, c'est Castlevania Chronicles qui était au PlayStation 1, et c'est sûr et certain, encore une fois, Scott Pilgrim. Alors, Scott Pilgrim, c'est vraiment un must à avoir. C'est un jeu qui était vraiment bon. Puis je l'ai recommandé à tout le monde. Parce que sérieusement, ça revenait à un style qu'on n'a pas depuis longtemps. Parce qu'il y a les bons vieux beat'em all. Je m'en ennuyais de ça, sérieusement. Ouais, hein. Parce que en fait, les beat'em all, c'est pas des beat'em all sérieux, sanglants. Je me suis dit, ça prend trop sérieux. Ouais, ça vient plate. Ça vient vraiment plate. C'est que. Ça dépend, je veux dire. Dans le fond, No More Heroes, c'est un beat'em up. Ouais, mais tu sais, on ne retrouve pas le classique, je te dirais, beat'em up. Beat'em up. C'est pas le classique. C'est la seule chose que j'ai trouvé plate, là. Là, aussi, c'est plate de la part des beat'em up, c'est le fait que t'as juste à faire du button smashing, puis c'est let's go. C'est pas vraiment de... T'as-tu essayé le nouveau Double Dragon? Néon? Comment? T'as-tu essayé Double Dragon, Neon? Le 1, le 2, j'ai défini, le 3. Non, c'est Neon. C'est celui qui est sorti sur PS3. Le Neon? Non. Il s'est vraiment touché. Sérieusement, là, je pensais faire une critique avec CE bientôt. Il faut juste trouver le temps pour le faire. Mais j'ai joué, puis sérieusement, c'est pas du bottom mashing. Celui-là, non. Parce que faut que tu penses à te bloquer. Si t'es pas capable de bloquer, tu vas crever en un instant. Wow. C'est ce que j'ai vraiment aimé du jeu. PS3? C'était PS3 puis Xbox 360. Je pense qu'il. Je sais pas si c'est sur Steam, il faudrait que je regarde ça. Il faut faire en plus de ça. Je pense qu'il est genre 6$ ou 7$. Oh, il était pas cher. Moi, tu vois, avec l'abonnement PSN, je l'avais gratuit. Non, c'est ça, PSN aussi. Le PS Plus-ci, là, c'est. Ça, c'est un must avoir. Si vous avez une PlayStation 3, sérieusement, au début, je le niaisais, cette affaire-là. Mais je trouvais que ça valait vraiment la peine. Finalement, à la fin. Ça vaut vraiment la peine de l'avoir. Écoute, pendant un mois, tu peux avoir, je pense, Resident Evil 5 Gold Edition gratuit à un moment donné. Tu peux avoir Bioshock à deux gratuits le mois passé. Actuellement, BioShock 2, c'était le mois passé. Mm-hmm. Écoute, non, il en donne du stock, là. C'est pas de la petite bière. Mm-hmm. Actarus s'en vient en passant. Oh, Actarus s'en vient? Non, je demande s'il s'en vient. Ah, tu veux qu'il vienne embarquer? Ok. Oh, je peux essayer de l'inviter live. Si tu nous entends, Actarus, écoute, envoie-moi un petit message sur Gmail, puis je vais essayer de t'arranger ça pour que tu embarques dans le podcast. Sinon, on le fera au pire la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Sinon, on passe à, écoute, nouvelle pour toi, vu que tu es un grand amateur de lutte. Ouais. La licence qui est WWE, ça va chez Take-Two. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, personnellement, je trouve que Take-Two a un certain potentiel. Tu sais, dans le fond, Take-Two, il faut leur donner une chance. Mais en même temps, Take-Two, écoute, à leur CV, là, j'ai un blanc de mémoire. Mm-hmm. Mais, des connaissances à leur CV, là, ils ont montré qu'ils étaient compétents. Maintenant, ils sont plus spécialistes dans des jeux d'aventure. Ouais, mais ils ont quand même la section 2K Games ils ont fait des excellents jeux d'action auparavant. Ouais, mais ça, c'est le publicateur, en fait, Take-Two. Hmm? C'est le publicateur. C'est un publicateur. Ben, c'est comme un de leurs studios, finalement. Ouais, c'est ça. C'est un de leurs studios. Mais c'est eux qui ont fait BioShock. C'est ouais. Eux qui ont fait System Shock, je pense. Mm-hmm. Parce que BioShock, ça vient de System Shock. Mais ça, je pense que toi, tu le savais. Oui. Mais System Shock, écoute, moi, j'ai pas joué à System Shock. Je le connais juste de nom. Fait que... D'accord. Puis là, sur le wiki de Take-Two. Take-Two ont quand même une bonne batch de... Ben, ils ont d'abord, comme tu dis, 2K. Ils ont aussi... Mm-hmm. Ils supportent également Rockstar. Attends un peu. Parce que j'ai pu lire. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est mon cellulaire, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Ah, ok. Fait que sinon, à part ça, les accros, ça sera pas très long. J'essaie d'inviter Actarus à se joindre à nous. Allô? Alors, ça sera pas très long. Je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai de l'air vraiment noob. Je suis vraiment désolé, la gang. Fait que désolé pour ce petit temps qui attend. Ce moment d'attente. Je vais probablement le couper dans le podcast audio. Mais entre-temps, si vous avez des suggestions de jeux de jeux de table en passant. Oui, je vais faire prochainement des jeux de table. Puis si vous êtes intéressé à venir nous jaser, me présenter des jeux de table, juste à m'envoyer un message, puis je vais essayer de vous arranger pour que vous critiquez le jeu. Parce que Marie-Lune et moi, ces temps-ci, on joue à beaucoup, beaucoup de jeux de table. C'est vraiment le fun. On adore ça. Puis on va essayer de vous en faire parler prochainement. Ça sera pas très long. Excuse-moi, mon cher Actarus, je vais t'arranger ça rapidement. T'es pas mieux qu'un out en plus. écoute, toi, c'est Patrick Archambault sur Google Plus, c'est ça? J'aimerais dire l'important que je n'ai pas honte. De quoi? D'avoir eu l'air têteux en background téléphone en train de parler à ma blonde. Il n'y a pas de problème, de toute façon, je vais faire du montage tantôt. Je veux pas que ça ait l'air con hein, quand le monde va nous écouter en live. Ben écoute, c'est ça l'air con, ça. T'as pas l'air con. J'essaie de l'envoyer le... Quoi? J'essaie d'envoyer à une invitation. J'ai trouvé l'invitation pour la personne Google Plus, mais je ne trouve pas pour le Patrick Archambault, il y en a comme 5-6. Mais il n'a pas juste acté dans le monde. Non, c'est sûr. Il y en a comme pas mal. Mais bon, écoute, quand même, j'ai hâte de voir ce que ça donne avec ce studio-là. Je vais prendre en charge d'une grosse franchise de lutte, je veux pas. Ben écoute. Moi j'ai confiance, je leur donne le bénéfice du doute. J'ai confiance. C'est juste que... Ah, je peux te dire ça. Mais moi, on va t'avouer que les jeux de sur console, ça... C'est plus aussi intéressant. Ils se compliquent beaucoup trop la vie pour rien, la plupart du temps. Quoique, apparemment, le dernier, le 13, il serait supposément vraiment, vraiment le choix. Mais c'est juste le fun parce que t'as l'air qui a fait que les gens ont repris goût à, en général, d'une manière mondiale, à aimer le sport du divertissement. Qui était la lutte. De lutte professionnelle à la télévision. Mm-hmm. C'était vrai. Avec les émissions, quand c'est rendu que les émissions étaient écoutées environ par entre 8 millions et 10 millions de personnes. Ça a changé depuis, hein. Moi, dans le temps, je me trouvais pas mal loser à l'écouter, puis j'avoue, finalement, à cette heure, j'aurais dû continuer. Non, pas tant que ça. C'est pas tant que ça, je veux dire. C'est pas tant que ça, parce que souvent, ça, c'est juste mon opinion, là, 30 secondes. Ils mettent pas assez d'emphase sur. Sur préparer leur futur, ils mettent trop d'emphase sur leur passé et leur présent. Tout ce que je veux dire, admettons que leur gros lutteur présent, comme John Cena et John Cena, déjà en partant de Triple H, Triple H, vient juste faire peut-être un ou deux combats par année, dont WrestleMania, pour qu'il ait son potentiellement demi-million pour lutter. Puis ensuite, il va s'en aller. Ensuite, il va rester John Cena, qui commence à se faire pas pire vieux, même si lui, il a une job à vie à WWE. Mais est-ce que ensuite, tu checkes ça, puis tu dis... Salut, Patrick! Quel autre peut avoir intérêt? Ah, yes, sir! On va arrêter de parler de lutte. vous pouvez parler de lutte, je suis un grand fan. Ben oui, effectivement, tu m'as donné de la marque sur Twitter l'autre jour quand j'avais donné une légère critique sur The Rock sur Twitter. Hey non, moi, sérieux, là, j'ai vraiment... Désolé, la webcam, là. Il n'y a pas de problème. C'est pas bien passé, là. Moi, j'ai vraiment hâte 2K avec WWE 14, là. Sérieusement, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire avec ce jeu-là. Je fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle épisode, surtout qu'ils nous avaient donné des bons jeux de sport depuis tant d'années. Alors, sérieusement, là, je n'aurais que de bons mots, c'est sûr et certain, déjà d'avance. Écoute, Patrick, je pense que les derniers jeux de hockey, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à des jeux de hockey, là, mais les derniers que je jouais, c'était ceux de 2K. Puis j'avais du fun noir à jouer à ça. Sérieux, là, je les trouvais beaucoup mieux que les NHL. Ben, écoute, t'as déjà une Dreamcast comme moi, là, comme tu disais. Écoute, NHL 2K, je me prostère. C'était le must. Tu branchais, tu jouais en ligne, puis même avec du 56K, c'était génial. Puis, je sais pas, tu dois t'en rappeler, on avait la fameuse petite écran, UMD, mais... Moi, je l'avais pas, par exemple, ça, j'en ai pas eu encore. Moi, je l'avais, et... Tu sais, tantôt, tu disais regretter de vendre ta Saturn. Moi, c'était ma Dreamcast. Ma Saturn, je l'ai encore, imagine. Sur l'écran, tu pouvais choisir tes trios. Écoute, c'était magique, là, cette version-là. Je trouve que c'était un des meilleurs jeux de hockey. Mm-hmm. Mais comme j'ai déjà dit, moi, des évolutions d'un jeu de sport, j'en attends plus depuis 20 ans. Sérieusement, NHL 2K était vraiment le fun à jouer, là. Oui, puis j'ai très hâte de voir ce que ça va donner avec la lutte. Peut-être que ça va être le jeu qui va me faire ramener dans le côté noir de la lutte. Mais écoute, on sait jamais. J'ai lâché la lutte dans le temps qu'il y a eu la fusion. OK. Oh my God, c'est ça date de longtemps. Le sombre temps. C'était le sombre temps, mais écoute, ça venait tellement qu'une histoire qui était dans le temps. Je vais résumer un peu ce qui se passait. Stone Cold venait de tourner Evil Total en s'alliant avec Vince McMahon. Personne ne voulait voir ça. Mais personne ne voulait voir ça. Personne voulait voir ça. Puis ils l'ont fait pareil. Ils l'ont fait pareil. C'était quelque chose que moi, ça m'a fait comme « urk ». Après ça, genre, le Rock, il est disparu pour aller faire des films. OK. Qu'est-ce qui reste? Ah, finalement, tu sais, l'autre ligue de lutte, là, puis ça fait 15 ans qu'on s'affronte. Ah, ben finalement, on l'a acheté. WCW. Mais moi, c'est que... Moi, c'est que ce que je me rappelle très bien, c'est que dès 99, la WCW commençait son crash. Mm-hmm. Oui, et Ted Turner avait vendu, là désolé, je vais embarquer dans les points fins parce que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, moi, la lutte et tout. Ted Turner avait vendu, mais pas vendu, il avait vendu ses actions, on pourrait dire, de Turner, de Time Warner complètement à WB. Mm-hmm. Et la nouvelle compagnie, on pourrait dire, eux ne voulaient pas s'occuper de la lutte. C'était vraiment une des branches qui ne les intéressait pas pantoute. Les Braves les intéressaient, les Trashers les intéressaient plus. Il y a bien des choses que Ted Turner avait qui ne les intéressaient pas. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était Time Warner, TNT, TBS, les Braves, nommez-les, c'était surtout ça. La lutte, les Trashers, c'était donner des soucis. Fait qu'ils ont vraiment laissé... Hein? Pas mal, j'ai dit. Ah ouais, fait qu'ils ont laissé vraiment aller la WCW jusqu'à leur propre perte. Puis c'est là qu'à un moment donné, ils sont arrivés à Vince. Regarde, Vince, on te donne les droits pour 1 million. C'est ouais, tout ça simple. C'est des peanuts. Ouais, ouais. Un million et l'intention de diffuser quelconque sport de divertissement sur TBS pour les 10 prochaines années suivantes. Ouais, c'est ça. Et il leur donnait. On donne. C'est tout ça à la même époque, Paul Heyman, lui, déclarait faillite. Oui, en même temps. Fait que tout est arrivé en même temps. C'est ça. Fait que Vince, lui, il en a profité. Il a tout racheté. Puis c'est de là commence. Moi, tu vois, j'ai. Commencer à arrêter la lutte, c'est très... C'est... Je suis encore. J'écoute encore les pay-per-views, mais les hebdomadaires, là, je vais te dire, là, depuis environ là, un an ou deux. Okay. J'ai commencé à arrêter les hebdomadaires là, à ce moment-là. C'est sûr, là, une fois de temps en temps, là, comme le retour de The Rock l'an passé, le speech de CM Punk, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a toutes des petites choses comme ça, je vais essayer de les regarder, comme la TNA qui est en ce moment la fédération qui essaie d'affronter la WWE avec des vieilles poubelles. J'en ai un qui va m'aimer. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que Dixie Carter est plus riche que Vince McMahon, puis Tenney est ou Tenney est. Oui, mais c'est ça le pire, mais c'est que l'affaire, c'est que Dixie Carter, hey, là, on est quand même parti dans la lutte, mais moi, ça me dérange pas. Ah, oh, regarde, non, c'est le fun. C'est le fun de voir le podcast partir de même. Sérieux? OK. Dixie Carter, elle, ce qui la bloque, c'est que c'est pas elle. C'est, l'argent appartient à ses parents. Oui. Elle est une maniaque de lutte. Sauf que quand Jeff Jarrett cherchait des investisseurs, parce que lui, en 2005, il était parti bien, il n'y avait plus une scène. Non. Elle a dit, moi, je suis prête à investir. Sauf qu'elle a fallu qu'elle fasse un 180 degrés. Maman, papa, vous savez, j'aime la lutte. Je vais acheter la TNA. Ouais. OK. On va te donner de l'argent, mais chaque fois que tu veux faire un investissement, il faut que tu nous en parles. Ah oui. Fait que c'est ça qui la bloque, parce que je suis sûr si c'était juste de elle, elle investirait, puis elle investirait, puis elle investirait sans compter. Faire de l'argent, c'est pas bien mieux. T'es mieux de faire attention avec l'argent des autres, finalement. Non, surtout quand c'est tes parents. Non, c'est ça. Fait que elle, c'est ça qu'elle a fait. Elle achète TNA, puis c'est sûr, bon, il essaie par-ci par-là, mais. Tant qu'ils n'ont pas les moyens financiers de la WWE, jamais, jamais ils vont réussir à les battre. Là. Puis ça, ils sont à bento. Là. Parce que tu veux pas, la WWE a quand même des bonnes stratégies de marketing. Ça, il faut que je leur donne. Ils sont capables de faire des shows dans plusieurs villes, de faire tenir deux shows hebdomadaires, même trois, je pense. Raw, SmackDown, Main Event. Ils sont rendus à 5. Hey, écoute, foutez-le un lot de... Faut être des scripteurs pour ça, faut être les lutteurs qui tiennent pour ça, faut être toute une machine. C'est pas un problème pour Vince. Non. Hey, c'est pas un Vince, l'an passé, si on retire le salaire qu'il fait annuellement, a fait en action 100 millions. En action. En action. avec ses actions, il a fait dans ses poches 100 millions de dollars. Son salaire annuel est de 3,3. Fait que, non, il te roule la lutte d'une main de fer et... Ah ouais, ça c'est sûr. Puis je pense, quand il avait sorti le documentaire Beyond the Map, ouais. Entre 98 et 99, ouais. C'est un gars, il suivait sur la route la WWE, Jake the Snake, Terry Funk. Il ouais. avait sorti un chiffre que la WWE valait plus cher que toutes les organisations sportives de la ville de New York réunies ensemble. Ben, je comprends. Il paye des peanuts pour ses lutteurs. À peu près. C'est pas ben, des parts. Ben, Cena fait 30 millions avec les profits des chandails par année. C'est là que je vais chercher son argent. C'est dans les profits des chandails, ouais. C'est dans les Make-A-Wish Foundation, c'est dans les apparitions télé. Mais l'an passé, puis là, ils refont le twist cette année. L'an passé, The Rock avait ri de John Cena parce que Cena change de chandail à peu près à tous les mois. Okay. Puis il riait parce que ça ressemblait aux Pebbles, aux Fruity Pebbles, les céréales, les pierres à feu. Oui, oui, oui. Et le lendemain, les ventes des Fruity Pebbles avaient monté en flèche à cause de cette joke-là, et Post se sont associés avec John Cena pour faire un concours que tu pouvais gagner une journée avec Cena. Et là, cette année, Post refont le même concours, et en plus, ils mélangent les Lucky Charms avec Sheamus, et ils en font d'autres de même. C'est vraiment du n'importe quoi, mais ça marche. C'est la beauté de la lutte. Écoute, ça marche. Pourquoi qu'il s'en passerait? Mais toi, Antithèse, toi, t'as lutté. Et je lutte encore. Quelque chose, et tu luttes encore. Dans quelle fédération? Tous les samedis soirs au 1550 rue Joliette, coin Tadam, pour la Inter Championship Wrestling. Ah non, pas les frères Proulx! Avec les frères Proulx, oui. Et présentement, ben, un des bras-là des frères Proulx, ben écoute, il m'a pété la jambe. Non, pas les frères Proulx, tout sauf eux! Serge, c'est un méchant. Serge, il est méchant. C'est vraiment un vrai de vrai méchant. Puis, l'UJ, ben. Attention, il est pas diabolique pour rien. Parle-nous un petit peu de ta fédération, Antithèse. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Puis après, au pire, Pat, tu vas pouvoir enchérir sur ce que tu n'aimes pas, peut-être, de sa fédération. Tant qu'à ça, on va passer à un débat. Attends, moi, je vais rajouter, puis après ça, Antithèse, on pourrait partir. Moi, c'est simple, ça se résume à un mot: Proulx. Ça serait... Hey, écoute, que je comprends pas. J'étais propriétaire à l'époque avec Benoît Chalifoux de la MWF. Oh my god, I'm sorry. That takes me back. Ah, et à l'époque, on avait Patrick Guénette, Exod. Hein? Ah, c'est nous autres qui l'a découvert. Temps. Il va bien en passant. Il va très bien. Ah, il va. Regarde, c'est un des meilleurs espoirs au Québec. Il est en shape. On voulait s'associer avec d'autres fédérations, tu sais, pour faire des gros galas pis tout. Puis Luigi Proulx disait on était trop petit pour lui. Il voulait rien savoir et tu étais obligé d'être un lutteur à la ICW pour lutter à la ICW. Il était close bien raide. Ben écoute, il y a plus raison, parce que si tu peux me parler d'un petit outil, le problème de plusieurs autres endroits, c'est parce qu'ils vont d'abord mettre au-dessus leur ami sur des vraies personnes qui vont travailler fort, qui vont au gym, qui ont vraiment été partout, puis ils vont servir de ces entre guillemets, étoiles-là pour valoriser eux-mêmes, pour que finalement ça fasse patate 2 mois plus tard. Ouais. C'est pas bien mieux. Là-dessus, les pros sont protecteurs pour cette raison-là. Ils mettent comme n'importe quel promoteur slash booker intelligent ou qui devrait être intelligent, ils mettent l'investissement sur leur lutteur. Dans le fond, un lutteur, c'est un produit. Benoît Chalifoux, comment il s'appelle ça? Vinovich Furanov, c'était un excellent produit quand il était autant à l'NCW qu'il était à la NWF, autant quand il était c'est la patriote québécoise qui était? Oui, c'est ça. Mais uniquement Patriote québécois, puis il n'y avait pas d'autres noms que Patriote québécois? Non, c'était le Patriote québécois, c'était Binovitch Furanov. Hey, imagine, je suis, et ça je pourrais m'en vanter longtemps, le seul gars à avoir mis au tapis Benoît. Oh my god! Je suis le seul gars, puis le pire, c'est un combat 3 contre 3. J'étais avec Genocide, puis je pense que c'était mon adjoint Clac Tanguay, je suis pas sûr. Puis Benoît Clark faisait. ou Karl? Hein? As-tu dit Clark ou t'as dit Karl? Non, Clac Tanguay. Oui. Et il y avait. Et j'affrontais Benoît, il était en équipe, je pense, avec British Dom, puis un autre. Je me rappelle plus c'était qui l'autre. J'étais le seul à l'avoir mis au tapis. Mais là, moi, on parle des affaires que ça date d'au-dessus de 10 ans, là. Écoute, ça date de 2001-2002. Moi, j'avais arrêté parce que, sérieusement, je pouvais pas mélanger la lutte avec le travail. Non, fait que clair. Moi, j'avais décidé d'arrêter ça. Puis quand j'avais vu de quoi ça avait de l'air, la lutte au Québec, sérieusement, moi, j'ai complètement « OK, c'est pas pour moi ». Je voulais ça. Benoît, il avait fait la même chose. Il était parti à la NCW. On avait laissé ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis après ça, non, pas pour nous autres. On va s'en aller. On a vu de quoi ça avait de l'air. On a essayé notre expérience. Puis la MWF va très bien. Plusieurs luttés là-bas qui luttent en ce moment aux États-Unis. Hey, El Generico vient de signer un contrat. Ouais, Rami. Hein? Je m'excuse de dire son vrai nom en ligne comme ça, mais ouais, Rami, moi j'ai vu à ses débuts, ben ses débuts, c'est pas ses débuts vraiment, c'est genre son deuxième, troisième combat, lorsqu'il était à la FLQ, l'ancienne fédération à Paul-le-Duc. Ça, je connais ça, c'est ça le pire. Non, c'est parce Écoute, que c'est... je suis un inculte dans la lutte québécoise, mais c'est quand même une des fédérations que je connais. Mais écoute, la fédération s'appelle FLQ. À son crédit, c'est quand même un excellent coup de marketing en lui-même. Écoute, c'est un excellent jeu de mots, là. Tout à fait. Tout à fait. Mais on va revenir à Rami qui était Stevie McFly. Écoute, moi, j'ai toujours dit que ce gars-là avait un excellent potentiel. Mais que maintenant, lui, qui mesure quand même 6 pieds 1 à son crédit, et qui, dans le temps, pesait 140 livres, mais à ça, peut-être, il pèse 180 livres, et qui est clean. Écoute, moi je suis content que lui, il soit signé. Ouais. Je vais mettre un autre petit shoot, désolé d'être un petit peu, de faire des shoots. Que Jerry Barnoff, qui passe son temps à faire dans le fond les bullies, puis à dire qu'il est meilleur que tout le monde. Ouais, mais attends, c'est qu'on a un problème. Il est roux! Quoi? Oh, come on! Ça pose un problème des trous. Il est roux pis il est arabe. non, mais sérieux, le gars, il est hot! Sérieux, le gars, c'est il est hot! Parce que je viens d'avoir comme... Je viens d'avoir une image dans ma tête, c'est parce que j'ai déjà vu ça m'emmener, c'était un nez roux habillé en cowboy. Oh my god, nice. C'était quelque chose et qui chantait du country. Nice. Fait que tu sais, imagine-toi, là, quand tu viens de me dire un roux arabe, là, j'ai comme fait, OK, hop. Mais ça peut pas taper ce que j'ai vu, tu sais. Oui, ben attends, un roux arabe qui joue un faux Mexicain qui parle anglais. OK, aussi qu'il a passé dans la vie, lui. Excusez-moi. Il prend pour Mario Bros. Tu sais, la fameuse citation de Mario Bros, c'est un Italien qui saute comme un noir, je pense, je ne veux pas être raciste, qui prend des pièces comme un juif, qui rit par les Japonais, qui parle, qui est d'origine italienne. Oh, oui, c'est le complexe de Mario, de ce que je comprends très bien. Oui. Mais Genico, c'est surtout pour d'autres, les Québécois. Il vient nous chercher parce que justement, pas tant qu'il fait pitié, mais tu le regardes, t'as l'impression que jamais il va gagner, mais ses combats sont juste extraordinaires, sont divertissants. C'est pour ça que c'est facile, quand tu regardes Generico, dans ses combats, il est juste... c'est juste... Là, il vient signer avec... C'est fluide ce qu'il fait. Là, il vient signer... Là, il vient signer avec quelle fédération, là? Avec la WWE. Avec la grosse, avec WWE. Fait que là, il va sûrement... Là, il se poser... Il va falloir qu'il monte les échelles, là, ça va prendre... Ben là, c'est-à-dire que là, habituellement, qu'est-ce qu'ils font avec ça, avec les nouveaux signataires, c'est qu'ils envoient en Floride. Ah, dans l'école de lutte, là? Dans l'entraînement slash école de lutte slash... Il avait essayé de faire une télé-série réalité, là, une télé-réalité avec ce show-là. Ouais, mais ça a l'air... Planté. Ça a arrêté, là, ils sont rendus vraiment une organisation à part avec leur propre ceinture. Ils s'appellent la NXT pour la Next. Ouais, c'est ça. C'est Billy Gunn qui est en arrière de la fédération avec X-Pac et ouais. Kevin Nash. Ok, c'est tous les anciens de la Generation X qui sont là, c'est on dirait. Puis c'est eux autres qui les forment. Le studio, sérieusement, est vraiment magnifique. Ils ont déménagé dans une école. L'école leur loue les studios gratuitement. Ils ont un beau studio avec un beau... les lutteurs vont là pour un certain temps. Le show, il est sur Internet puis à The Scores aussi. Puis après ça, quand les lutteurs sont prêts, là, ils passent à la WWE. Puis El Generico devrait commencer, si je me trompe pas, là, dès la semaine prochaine. C'est là qu'on va savoir s'il va garder sa gimmick ou non, parce que l'une des raisons pour qu'ils l'ont engagé, c'était vraiment pour... vu qu'il est populaire à travers le monde, puis il cherche une relève à Rey Mysterio. Ouais. Alors, c'est vraiment là, j'ai hâte de voir s'ils vont garder son nom de El Generico, ils vont le changer complètement parce que... Ils vont sûrement le changer. Ils vont sûrement ouais, changer. C'est ça que ouais. Je trouve dommage, mais au moins qu'il garde son masque. Ils vont nous faire un Owen Hart avec de lui, là. Non, ils ne font pas Blue Blazer avec... Hey, t'es accro des jeux, on devrait parler de jeux, peut-être. Ben oui, mais écoute, la lutte, c'est quand même un jeu. Il y a un jeu de lutte qui existe en carte, je pourrais peut-être t'en parler. Je peux trouver des decks. Il y en a, ça c'est sûr. Oui, écoute, ce jeu-là de lutte, là, il est populaire à l'Assomption. Maman pas pourquoi il est populaire ailleurs, mais à l'Assomption, il ne joue qu'à ça. Mais pour revenir à tes jeux de société, moi j'en ai un bon pour toi qui s'appelle Descent. Descent. Oui, okay. Qui est un jeu sur table, on s'entend, un jeu de donjon. Et tu as le Dungeon Master et les compagnons et chevaliers ensemble. Et le jeu, c'est vraiment, toi, c'est de créer des labyrinthes avec des monstres, des dragons, des ennemis et tout. Okay. Et le jeu contient même des expansions. Mm-hmm. Sauf que pour commencer, le jeu original, là, c'est une centaine de dollars. OK. Puis les expansions supplémentaires sont entre 50 et 60. Ouais, ça coûte un bras, mais ouais, ça ouais. Peut... Mais t'en as pour longtemps à jouer, là. Une game, c'est 3-4 heures facile. OK, c'est bon. Fait ça, que je vais regarder ça. Ça, c'est avec un bon Dungeon Master, là. C'est moi. Je suis toujours le DM. Mais avez-vous déjà pogné, c'est un petit dessin, un petit comic que PAX avait sorti à l'époque du lancement de la Wii U? Non. Il avait donné une idée, puis c'était « It's free, we give to you ». C'était une idée pour la Wii U. On vous donne une idée, c'est de créer un jeu de donjon où le Dungeon Master aurait la tablette de la Wii U pour créer son donjon et envoyer ses monstres. On vous la donne, c'est gratuit. Oui, mais Penny Arcade, on fait ça. Mais c'est ça, c'est Penny Arcade. Back, c'est Penny Arcade, alors... Oh, sorry. Il n'y a pas de problème. Ben écoute, moi j'avoue que ça serait une excellente idée. J'ai déjà fait une maquette il y a fort longtemps où on utilisait une Microsoft Table où on avait vraiment une map de donjon qui était oh en train mon de se Dieu, créer la live. Oui, hey, t'en souviens, hein? Loin, là. Oui, je remonte ça à loin, mais c'est parce que moi j'ai toujours voulu avoir une table de même pour mes games. Mais à la place, je me ramasse avec un tapis. J'ai un tapis que j'ai payé une trentaine de piastres, mais qui va parfaitement, qui fait le job. Ah, parfait ça. Oh, tout à fait. Écoute, ben on va continuer avec toi, Pat, les ben nouvelles. Oui. Écoute, toi, je vais avoir tes impressions. Écoute, dans pas long, on va avoir l'annonce de la PS4, peut-être, des alentours du 18 février, 20 février. Le 20 février, on a mis la vidéo sur notre site. Sérieusement, moi, j'ai tellement peur que ça soit une pointe puis que ça soit pas ça, mais ils n'ont pas intérêt à faire ça. Là, c'est sûr, les rumeurs les plus folles sont parties. Moi, sérieusement, de mon côté, j'ai zéro que dans l'information. Non plus. Puis j'ai beau titiller les contacts que je connais, il n'y a personne qui peut nous en donner. On est tous bloqués avec des NDA, les personnes qui ont des nouvelles là-dessus. Là. C'est ça, ils sont tous bloqués avec des NDA. Sûrement, j'ai quand même hâte le 20. Sérieusement, pour voir ce qu'on va nous proposer. Moi, c'est vraiment là que je vais... c'est pas là. Moi, c'est vraiment le 10 juin que je vais savoir vers quelle console que je m'en vais. Mm-hmm. Parce que ma situation a changé. Je ne suis plus le gamer que j'étais là 5 ans. Non. Ma vie a changé. Alors, j'ai plus le. J'ai plus. C'est pas que j'ai pas le droit ou j'ai pas la chance. C'est juste que je dois penser que maintenant, je dois changer tout mon environnement. Et je peux plus acheter toutes les consoles inimaginables. Non. Je peux plus faire ça, moi. À l'époque, même encore aujourd'hui, si je le voudrais, je le ferais. Mais je peux plus faire ça. Fait qu'il faut que j'y pense. Et ça a été vraiment laquelle des consoles va m'en offrir le plus pour ma famille. Mm-hmm. C'est tout con à dire. Puis c'est pas parce que je suis un casual. C'est parce que je suis un core gamer. Mais c'est juste qu'il faut que je pense à... Est-ce qu'elle va servir à autre chose que des jeux vidéo? Mm-hmm. Tout à fait d'accord avec toi. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer également. Écoute, déjà, Xbox, il va peut-être nous proposer son concept d'Illuminirum. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Ça peut être peut-être une belle expérience. Est-ce que le monde va se tanner? Je ne sais pas. Mais... je sais que moi, PlayStation, ce qui me fait reculer en ce moment, c'est la fameuse rumeur d'aucun support physique. Tout à fait. Moi, c'est pas un problème parce que j'ai mon Internet illimité. Mm-hmm. Ça, c'est zéro problème. Je suis avec une compagnie indépendante. Je peux télécharger comme que je veux pis tout. Sauf que là, j'aurais plus le droit d'aller au club vidéo pour louer des jeux. Ça, déjà d'avance, vous me perdez parce que j'aime même... Si, je l'avoue, là, tous les jeux que je veux gratuits à cause de l'PSN, mm-hmm. Mais ça, c'est de la job à avoir ça gratuit. Tout à fait. Regarde, même moi, je le fais pas, puis je l'ai déjà fait au début, j'ai comme fait, non, je suis pas capable de me donner autant d'énergie pour avoir des jeux gratuits. Mm-hmm. Mais moi, j'utilisais le service Game Access, j'ai lâché il y a peut-être un mois de ça, mais moi, c'était un service que j'adorais. Je louais le jeu, puis je l'avais le temps que je voulais, puis si ça me tentait de l'acheter, je pouvais l'acheter. Game Access, tu vois, j'ai commencé à peu près un an et demi. Quand j'ai commencé l'émission, je me disais, mm-hmm. Game Access, ça va me donner une chance. En plus, une compagnie de Montréal. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me disais, ben, j'encourageais une compagnie de chez nous et tout. Sauf que c'était la fameuse ligne d'attente que j'étais pas capable. La fameuse file d'attente, ça, j'étais pas capable de la supporter. C'était genre, on a 5 copies de, je sais pas moi, Dead Space 3 qui sort demain. On a 5 copies, mais si t'es le centième, t'es obligé d'attendre que tout le monde ait ramené sa 5e copie. Je sais. Non, je sais que dans un club vidéo, c'est pareil, mais au moins dans un club vidéo, je peux, dans 3 jours, ta copie revient. Mets-moi mon nom de côté, puis je vais venir. Tu sais, si tu connais bien le commis, là. Ou bien, moi, ce que j'aimais vraiment pas aussi, c'est que tu voyais vraiment la barre full dans la disponibilité, mais il t'envoie le 6e, 7e jeu. Ah, je sais. Ça, ça je l'aurais écrit dans le commentaire. J'ai dit, c'est la seule affaire que j'ai comme vraiment j'ai vraiment lâché. Ça me tente pas de payer 2$ pour réserver mon jeu. Sinon, il y avait une compagnie qui avait parti l'an passé, qui a fait faillite, qui s'est fait racheter, qu'eux autres, c'était des jeux en streaming. En live? Ouais, en live. Ça, c'est dommage, ça n'a pas marché. Sérieusement, ça a été racheté. Je ne sais pas c'est quoi qui arrive avec ça. Ça, tu vois, au Québec, ça ne marcherait pas. Mais aux États-Unis, je suis sûr quand même qu'ils ont un petit bastien, que ça a bien fonctionné. Ici, malheureusement... À cause de la limite de barre de passante, tant et aussi longtemps que les gros majors ne voudront pas s'ouvrir. Ça, tu vois, on a eu l'information la semaine dernière. J'ai pas pris le temps d'écrire quelque chose là-dessus parce que ça a l'air que j'ai un autre job que le podcast. semaine dernière, Bell se sont réveillés et commencent à offrir pour 10$ de plus par mois l'Internet illimité. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. J'espère que moi, ça va réveiller ma compagnie Vidéotron. Selon moi, ça va. Ils vont se réveiller en un peu de temps. Ah, ils n'auront pas le choix à un moment donné parce que là, Vidéotron, eux autres, ce qui arrive, c'est que dès cet automne, sauf par exemple, ça, je trouve ça nono parce que sérieusement, c'est pas moi qui vais payer 10$ pour ça. Ils veulent faire un Netflix québécois. Oui. Oui, ça vient de sortir. J'en ai jasé avec un de mes chums qui travaille chez Vidéotron. Puis, il parle quand même que c'était le choix qui était intéressant parce que la plupart des films qu'ils offrent sur Illico vont être disponibles dans ce... Okay, dans ce... Parce que moi, le PR que j'avais, ça me disait vous allez pouvoir louer Blanche, Scoop, Les Filles de Caleb et plusieurs films québécois, dont La Guerre des Trucs. Et j'étais là, tu viendras pas me chercher avec ça. Dis-moi, tu vas avoir Amazing Spider-Man, Expendable 2, mais La Guerre des Trucs. La manière que mon ami parle, il disait que ce serait la plupart des films qu'on verrait sur Illico. Mais ce n'est pas une information officielle, je n'ai pas demandé encore à Vidéotron. Mais ça peut être intéressant s'ils sont capables d'offrir un bon service. Je pense que c'est ça. De bons stocks, des bonnes séries, peut-être des affaires exclusives également. Là. Ben, je sais que moi, j'ai la nouvelle application de Illico pour iPad. Ça, je l'ai. Ça fonctionne bien parce que c'est intéressant. Pendant que ma conjointe regarde une émission sur la télé, moi, je peux aller sur mon iPad. Puis, si, mettons, j'ai déjà commandé un film sur le 900, je peux continuer mon film sur mon iPad. Ça, ça va bien. C'est sûr, là, on s'entend, là, c'est 6 $ pour le film chaque fois que tu en loues un. Fait que ça fonctionne bien sur l'iPad. Fait que si on me dit qu'on peut avoir la même chose avec les films en français, là, j'embarquerais. Au pire, moi, ce que j'aime bien, c'est Super Écran sur demande puis Cinépop sur demande. Fait que si le vidéo... je pense qu'ils appellent ça vidéo illimitée, qu'ils vont appeler ça... J'ai pas vu le nom, mais ça se peut, oui. Je pense que c'est Club illimité ou vidéo illimitée. C'est quelque chose comme ça. Si le nouveau service m'offre la même chose, là, peut-être j'embarquerais pour 7 $ par mois. Mais à part de ça, je suis pas sûr. Même Netflix, je suis pas inscrit parce que le nombre de possibilités de disponibilité en français est 0 $. Là. Ben, pas 0. Je te dirais qu'il y a quelques films. Faut que tu fouilles. Il y en a quelques-uns. Mais tu sais, c'est comme, regarde, j'ai réussi à écouter Thor en français. Le seul film que j'ai écouté. Sinon, il y avait des petits bonhommes, bam, là-dessus, ils sont bien forts en français. So, j'ai écouté tous les cartoons de Avengers. Je les ai tous écoutés en français. Fait que non, c'est ça. Fait qu'on je vais attendre. Fait que si on avait le même service, je sais pas, moi, Sony nous arriverait. OK, t'as le jeu complet pour 60 $. Tu peux louer le jeu pour une semaine pour 10 $, puis t'as le démo. Ça, je serais partant. Ça vaut la peine, à ce moment-là. Je sais pas, parce que je t'avoue que déjà, côté démo, je trouve qu'on est moins bien servi qu'il y a 5 ans. Oui, ça, c'est sûr. Mais ils n'ont pas le choix, parce que s'ils veulent éliminer les clubs vidéo, s'ils veulent éliminer les locations, les prêts de jeu, puis tout ça, regarde, ils n'ont pas le choix là, de trouver une alternative. Là. Ouais, c'est tout à fait, t'as raison. Tu sais? Puis, regarde, moi, ce qui me fait peur, c'est sûr que c'est leur fameuse puce NFC qu'ils veulent mettre dans les pochettes pour dire comme quoi que c'est le jeu, c'est l'authentification. Moi, c'est ça qui me fait peur également, parce que je suis quelqu'un qui... J'achète quelques fois usagé, mais j'achète souvent des jeux usagés, des jeux que je ne suis pas sûr que je vais aimer. C'est là que moi, ça vient en compte. Fait que c'est ça qui me fait peur, c'est des jeux que des fois, je pogne comme 14 $, 20 $, puis je sais, OK, au pire, si je ne l'aime pas, ben, j'ai dépensé 20 $. T'sais. Je sais que je me rappelle, dans mon ancienne vie, il y avait un CD de Céline Dion qui s'avait vendu de Sony qui venait avec un logiciel que dès que tu mettais le CD de Céline Dion dans ton ordinateur, il installait un logiciel qui faisait que tu ne pouvais pas copier et qu'en plus, le logiciel envoyait un courriel directement à Sony. En tout cas, ça avait été compliqué l'affaire, mais tout ça pour dire que tu ne pouvais pas mettre ton CD dans les MP3. Et ça, ça l'avait fait la tollée. Je me rappelle, c'était immense. Il a fallu qu'il retire tous les CD de Céline Dion parce que c'est bien liquide derrière la pochette. Et c'est même un droit que tu as. Si tu achètes le CD ou le film, tu as le droit d'en faire une copie domestique pour tes besoins personnels. Tu as le droit, c'est écrit noir sur blanc. Alors, ça, il avait fait. Ça a vraiment fait mal. J'ai un CD de même ici à ta maison. Moi, j'adore. OK, là, c'est mon moment. Keten, préparez-vous, les gars, à m'insulter. Mélanie, ici. Hein? La Sporty Spice. Ah, merci! Merci. Ah! suis quelqu'un qui adore Melcy, OK? Gab, je t'approuve. OK, moi, je l'adore, sérieusement. À part son dernier CD, je l'aime. C'est mon artiste préféré. Et son deuxième CD, il y a une affaire de protection de même que j'étais pas capable de copier, puis ça m'agaçait. Mais ça n'a pas fait toller, tu sais. Mais tu sais, j'ai acheté le CD, j'étais content. Puis à Star, même avec iTunes, je le mets, puis d'habitude, ça marche automatique. Fait, t'sais, ça a été contourné rapidement, là. Ouais. Mais non, je t'approuve, par exemple, pour Melcy. Moi aussi, c'était ma préférée à l'époque. Ben, écoute, c'était la seule que je trouvais qui était la plus normale du groupe. Fait que... Non, ça, je t'avoue, elle avait un petit quelque chose. Elle avait des beaux yeux. Ça me rappelle le bon vieux temps. Ah, j'étais jeune à l'époque. Et on n'était pas bedonnant. On n'avait pas de beden. Ah, ça, parle-moi-en. Et j'aimerais ça avoir les bédelles que j'avais quand j'avais 16 ans. Moi tout. Je me trouvais gros dans ce temps-là, puis pourtant, j'étais tout petit. Maudit qu'on passait bien entre les portants. Et Colin, que oui. Mais moi, je suis moins épais, là, j'avoue. Là, je vois du monde des fois là, que je suis comme, OK, toi, t'as besoin d'une queue d'amaigrissement, et je te vise pas, PL, moi. Oui, tu vises moi. Non, je vise pas toi. Non. Non, hey, regarde, j'en ai poigné une, c'est une grosse, là. Excuse-moi. Ah non, attendez, je vais vous pousser quelque chose. Là, deux semaines, j'étais à l'avant-première de Hansel et Gretel. Okay. Moi, je m'attendais que ça allait être une avant-première médiatique. Fait que je m'en vais là avec Denis La Lumière. Moi, j'étais tout content. Ouais. Et j'attends en ligne d'attente. Et là, je commence à voir du monde arriver. Je m'aperçois que 94.9, en tout cas, va savoir là, quelle station de radio anglaise, montréalaise, a fait un concours aussi. Fait que je me disais, bon, on sera pas juste les médias. Hein? Et là, je vois le gagnant de concours typique arriver. Pas de chandail sous-vêtements. Et le gars avait un chandail bédaine, mais normal. Et d'un poilu type King George Longueuil. Oh non. Avec le dentier type, j'ai fumé depuis l'âge de 1 an 14 paquets de smoke par jour. Avec je cale 3 Coors Light par dîner. Oh, c'est vraiment le. C'est vraiment quand t'as scrappé ta vie, là. C'est pas de lui. Ah oui. Un vrai redneck, t'as bien raison. Non, t'as pas compris. Même les rednecks ne veulent pas de lui. Ah ouais. Ah non, c'est ça, là. J'étais comme, mon Dieu, va t'habiller. Le pays, il était habillé. Mais va t'habiller. T'es à une première médiatique. Je sais pas. Va te mettre propre. Je sais pas. Ah. C'était. Ah, ça doit être mauvais. Moi, le pays, la seule première médiatique que j'étais allé, c'était celui de Dread. Puis, c'était Radio X qui faisait la promotion. J'étais... Oh mon Dieu! Mais il y avait tellement pas de monde. Sérieux, là, la salle était à moitié vide. Ah, moi, c'était plein, là. Ça débordait, là. C'était full. Puis, ben, tu sais, le pays, là, genre, c'était toutes des petites madames, genre, de 30, 40, 50 ans, tu sais. Non, tu sais, fin trentaine, début quarantaine, même cinquantaine. Ah, ils savent même pas c'est quoi Dread. Selon moi, ils ont comme donné des billets dehors. C'est comme, hey madame, voulez-vous avoir des billets? Venez le temps. Non, mais Denis me contait ça, puis ça, je l'ai déjà vu. Il y en a que c'est leur vie, hein? Mmh, participer à des concours, c'est leur vie. Oh oui, puis je me rappelle, il y a même un. Mon Dieu, c'était quoi ça? Je sais pas. PL? Oui, c'est ton set? Oui, c'est moi, non, c'est pas mon seul. Heureusement, c'est pas mon seul. Ben écoute, je sais qu'il y avait même un reportage à un moment donné où c'était des madames qui, ce qu'ils font de leur vie, là, c'est remplir des coupons de participation puis d'envoyer ça. Et j'ai participé, j'ai gagné quand même un grand prix une fois. J'ai gagné 25 ans d'STM. Fait que, 25 ans? Oui, j'ai 25 ans d'STM. Je m'en cherche mon prix en mi-février. On ferme notre gueule. Mais tu sais, le monde m'ont tout fait comme « Comment t'as fait pour gagner? » Ben, juste participé au concours une fois. That's all, tu sais. Il y avait un concours sur Facebook. C'est que j'ai participé. Le concours de la voix? Oui. La voix dans l'STM? Ben, veux-tu en avoir une meilleure? J'ai un de mes collègues de travail qui a gagné un an. On a hey, Antithèse! Yes? C'est quoi tu as dit tantôt? qui me visait pas moi, c'est ça? Ouais, ben tu sais, ça commence par la lettre V, puis ça finit par IE. j'ai pas dit ça, j'ai dit curse you tantôt. Ah, ok, ben moi, je vais te dire, ça commence par la lettre V, puis ça finit par IE. T'es-tu quoi, Pat? Moi et tout, je t'aime. hey, non, si tu veux. Je pense que Pat voulait dire VIE. Ouais, ouais, ouais. Ben non, hey, c'est... C'est sûr, hey, 25 ans de STM, là, ça veut dire que je serais plus obligé de payer de STM jusqu'à ma retraite, moi, là. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, c'est sûr, ça. Moi, j'en ai un petit peu avant ma retraite, mais tu sais, c'est à peine. Mais quand même! Mais écoute, moi, je suis content parce que, dans un sens, tu sais, c'est de l'argent qui va être surtout pour la maison, tu sais. C'est des autres meubles que je vais m'acheter, puis, tu sais, je ne vais pas l'investir ailleurs, tu sais. Là, je suis content, cet argent-là va s'en aller dans mon nouveau PC que j'ai été obligé de m'acheter. Fait que... Ah ouais, puis pour un gars qui vient de s'acheter une maison, là, faites comme ma conjointe, commencez maintenant. Mm-hmm. Oh, faites oui. pas comme moi. Mm-hmm. Vous allez le regretter encore. Répète-moi ça. Hein? Répète-moi ça. OK. Si vous... OK. Parce que moi, j'ai acheté une maison. Moi, je me suis acheté une copropriété il y a environ 7 mois. OK. Et sérieusement, moi, je m'avais jamais préparé pour ça. Ma oui. conjointe, depuis l'âge de 16 ans, qu'elle s'avait préparée pour ça. OK. Mais... Fait qu'elle... On l'a averti. Hmm? Elle, on l'a averti. Bravo. Ben, mm-hmm. ses parents l'avaient averti, là. Ben, c'est ça, là. Puis quand elle est arrivée, elle avait un bon montant de côté. Moi, là, quand elle m'a averti que, regarde, Patrick, là, on s'en va dans une copropriété d'ici un an, là, zéro pin-bar, moi, là. Mais si j'avais revendu tous les DVD que j'avais achetés, j'aurais jamais pu aller chercher le montant de base. Et pourtant, des DVD, j'en ai au moins 1000, là. Mm-hmm. Tu sais, je pense que... Non, tu vois pas bien, ça, c'est ma collection de bandes dessinées. Mais l'autre bibliothèque, là, c'est une partie de ma collection de films, là. C'est, regarde, je suis la même situation que toi. Là. Dans mon salon, tu peux demander en titre, j'ai une belle grosse collection de DVD. De... Check ça, là. Oh, ça, oui. là, c'est un de mes meubles de DVD, là. OK, je vais juste décrire pour les accros qui nous écoutent en audio en ce moment. C'est qu'on voit vraiment deux étagères pleines, OK, de stock, là, de DVD, là. C'est vraiment fou, là. Puis ça, là, j'ai le double dans le salon. Puis la bibliothèque qui est là, c'est tous mes jeux de PlayStation puis de Xbox. Mm-hmm. Puis ici, en arrière de moi, c'est tout ce qui est Nintendo seulement. Ça fait beaucoup. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Fait que même si je voulais revendre... Puis eux autres, c'était dans leurs idées, là. Il fallait que je revende tout ça. Quand je leur ai montré une évaluation, là, c'était comme, ça vaut pas la peine. Non, parce que... Non, je suis même d'accord avec toi. Moi, je paye même un petit extra sur mes assurances pour ça. Moi aussi. Je suis pareil. On est pareil. Il faut payer l'extra, parce que sinon, on le perd. Puis c'est combien d'années qu'on a perdu, là? J'en ai un que je connais, que ça y est arrivé. Il y avait une collection incroyable de bandes dessinées américaines. Puis le meuble en arrière de moi, blanc, c'était rempli, lui, de bandes dessinées américaines. Puis des premiers numéros de Hulk, puis de Spider-Man, puis de Superman. Là, puis on parle des bandes dessinées des années 60-70. Il s'est tout fait voler ça. Oh non! Zéro puis une barre. Ah, moi, non. C'est vraiment crève-cœur. Zéro puis une barre, hein? Les assurances, ça, c'est zéro puis une barre. Je sais. Puis c'est pour ça que, comme conseil des accros, là, vous prenez une liste complète et vous prenez une photo de chaque item que vous avez et vous le mettez dans un coffre-fort qui n'est pas chez vous. Pis, et voilà. C'est ce que j'ai fait. Pour faire un inventaire, moi, j'ai un logiciel que je vous recommande qui est gratuit, qui s'appelle Cinefeel. Cinefeel. Le logiciel est relié à Amazon et vous avez juste à rentrer le code UP. CUP dans le logiciel et il va chercher les données sur Amazon. C'est impressionnant. OK. Je vais regarder ça, mais moi, je l'ai tout sur Excel. Fait que je vais être obligé de retransférer ça. Mais avec le code CUP, là, ça prend 2 secondes. Il va les chercher automatiquement. C'est rentré. Puis moi, c'est sur une clé USB. Alors, et la clé USB est à mon travail. Fait que chaque fois que j'achète un film, je mets le code sur un papier. Je mets ça à mon travail. Je rentre le code sur la clé USB à mon travail. Et l'inventaire est fait. C'est vraiment génial. Ouais. Puis, de toute façon, les assurances, quand vous prenez, moi, en tout cas, ma compagnie d'assurance, c'est comme ça. Dès que vous prenez l'assurance collection, comme qu'eux autres appellent, article de collection, vous n'êtes pas obligé d'avoir la preuve. Dès que vous avez cette assurance-là, c'est couvert. Moi, c'est un montant X. J'ai le droit de me racheter pour un montant X d'articles. DVD, jeux vidéo, CD de musique, parce que c'est de musique aussi, là, j'en ai pas mal. Là. Fait que, sérieusement, c'est tous des articles que, juste ces DVD de Disney, comment c'est dur de retrouver ça. Là. C'est très dur de retrouver ça, puis je t'avoue que quand t'es mardeux d'en retrouver dans les marchés aux puces, là, tu sautes sur l'occasion. Je sais que moi, j'étais mardeux, j'ai trouvé le Roi Lion, il se faisait plus, puis j'ai trouvé neuf au marché aux puces métropolitain. J'ai payé les peanuts. Les DVD là, de Disney, surtout, là, c'est des achetés dès qu'ils sortent. T'attends pas, là. Faut que tu l'achètes la journée de la sortie. Je sais, je vais avoir une like Ketten, là, mais Cendrillon, c'était un de ceux qui nous manquait. Puis il a fallu qu'on attend la réédition sur Blu-ray pour l'acheter, là. Ben écoute, si t'as une fille un jour, whatever, tu vas être content d'avoir Cendrillon pour elle. Ben c'est ça. Je me suis toujours préparé. C'est un bon film. C'est ça. Moi, je me suis toujours préparé pour mes enfants quand j'achète mes films de Disney. C'était pas pour moi. Moi, c'était toujours dans l'éventualité que j'ai un enfant. Au moins, je l'aurais déjà. Et voilà. Tout à fait. Oh oui. T'sais, ben d'accord. Mais Disney, c'est ça aussi l'affaire. C'est qu'eux, ils aiment ça se tenir up-to-date dans leur librairie avec les DVD, les Blu-ray, les films 3D, les films Blu-ray de 3D. Leur fameuse stratégie de sortir de la vôtre. Ben oui. Toujours été de même. J'ai reçu Peter Pan la semaine dernière et sérieusement, je ne l'avais pas encore dans ma collection. Et il l'a réécouté et mon fils l'a écouté parce que lui, il est un fan de Jack et le pirate des pays imaginaires. Et lui, il l'a écouté, il reconnaissait les personnages. Même si c'était pas la même génération, il a été capté tout le long. Écoute, Peter Pan. C'est la magie de Disney. Exactement. Peter Pan, moi, je trouve que c'est un des meilleurs qu'ils ont fait là, à l'époque. Là. Mm-hmm. Oh, tout à fait. Ton préféré, Antithèse, tant qu'à ça? C'est quoi, de Disney? Ah oui, donc? Nous autres, on fait un podcast des animations. On va partir sur un podcast. On va finir là-dessus sur les thèmes d'animation. Ton film préféré, Disney? Je te dirais que leur Robin des Bois a été un de mes grands favoris lors de mon enfance. De mon enfance, on parle de quand j'avais 6-7 ans. Ouais, c'est ça. Mais on sentait l'inspiration de Don Bluth là-dedans. Voilà. On le sent. Dumbo aussi, mais ça, c'est parce que je suis avec mes problèmes. I can relate a lot to Dumbo. Hein? Je comprends pas. Moi non plus. Non, ok. De ce que je sais, t'as pas des grandes oreilles. Non, mais j'étais une bonne oreille pareil. Oui, t'es une très bonne oreille pour moi. Quand j'ai besoin de toi, je sais que t'es là. Le thème d'être abandonné, le thème d'être rejeté par les autres à gauche, à droite. Ah, ok. Les accros. Prochaine fois, vous voyez PL, vous lui donnez un câlin de ma part. J'en donne un samedi, en tout cas, je vais. PL, on est tous des geeks. On a tous passé par là. Et on passe encore par là. Et voilà pourquoi j'ai pas besoin de câlin. Là, à un moment donné, ça fait que t'es habitué, malheureusement. Je vais t'en donner un pareil. Mais c'est ce qu'on appelle la bromance. Yes, sir. Mais sinon, mon film préféré à vie, en tout et partout, de... Est-ce qu'on peut voir un épisode de que ça va être Disney? Non, ça va être Pixar, mais on va dire pareil pour une chance. The Incredibles. J'adore The Incredibles. Mais bon, c'est pas mon préféré, mais il est très bon. Avant que Pixar soit acheté par Disney. Non, faux. Faux? Pixar a été acheté dans le temps de Toy Story 2, je pense. Es-tu sérieux? Il me semble que oui. Oh my god. 2002-2003, me semble. C'est ça, c'est 2004 Incredible. Non, 2008 Incredible, excuse-moi. Fait que ça veut dire que c'est sûr que ça a été acheté par Disney à ce moment-là. Fait que me semble en tout cas, là. Moi, je te parle ça de même. Mais de toute façon, il y avait toujours du Disney en arrière. 2006! Oh, pardon. Ils ont été achetés 2006. En 2006. Oui, ouais, non, je trouvais que ça faisait plus longtemps parce que, si je me trompe pas, il y en a un qui avait été annulé puis que finalement était ressorti avec la vente. En tout cas, ça a été un gros conflit, ça. Mais le pire, c'est qu'ils ont pas acheté avec de l'argent. Mm-hmm. Ils ont donné des actions. Mm-hmm. Mais c'est ils ont donné... Ils ont donné des actions à Steve Jobs. Ils ont fait la même chose avec Star Wars. Mais oui. Mais c'est la meilleure méthode. Regarde comment que le monstre de Disney est devenu. Là. Puis Marvel, quand ils ont acheté Marvel, ils n'ont pas acheté la compagnie. Ils sont arrivés et ont dit, regardez, on vous offre la chance d'avoir une meilleure campagne de promotion. On ne veut pas vous acheter. On veut vous aider à devenir plus gros dans vos films. Ça a marché. Oui. Puis ça a sauvé Disney cette année, en tout cas, là. Avec leur médiocrité de John Carter, là. S'il n'y avait pas eu Avenger, là, il aurait mangé une claque. Le gars qui a voulu produire Avenger a dû donner sa démission, hein? Comment ça? Ça, je ne savais pas. Et en ce moment, et là, ils ont fait un remaniement. C'est le gars qui est en charge de Marvel Studios qui est devenu président de Disney. Là, c'est ça, parle le côté film, là. Ouais. Et en ce moment, ça se parle que ce serait Judge Whedon qui deviendrait le chef de Marvel Studios. Oh! Au moins, ça aurait le point que ça tout deviendrait cohérent avec Josh Whedon. Ouais, c'est ça. Tout deviendrait. Au moins, il y aurait son mot à dire sur tout. Fait que. Il sait quoi qu'il parle. Il a fait des preuves un nombre incalculable de fois. Écoute, c'est le choix. Vous en pensez quoi de J. Abraham pour Star Wars? J'ai des opinions bien mixtes pour l'instant. C'est un choix qui est en même temps trop tard. Trop tôt puis trop rusher, mais surtout qu'on sent que le film va sortir en 2015. Ok, on va attendre. Je suis pas inquiet, mais moi, c'est le fait la liste était incalculable de personnes qui auraient dit oui. Et chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, il disait non, puis il y en a d'autres qui. Hey, moi, je veux, moi. Venez me voir, moi, je le veux, là. Puis, il n'allait jamais les voir. Puis, pourtant, on parle de Kevin Smith. On parle du gars derrière le dernier tron. Mais on parle de Brad Bird. Oh, my God. C'est un des noms, puis ces gens-là, comment ils ont pu passer ça, là? Juste Kevin Smith. Smith en fait, aurait demandé... Smith, il est allé de faire des films. Oui, mais il était prêt à faire Star Wars. Puis le gars, il a déjà Carrie Fisher. Il a déjà travaillé avec la gang. Puis c'est un gars qui baigne dans ce monde-là depuis des années. Il comprend très bien le mythe de Star Wars. Il sait comment. Tout à fait. Son problème avec Smith, c'est qu'il n'est pas capable d'écrire des. C'est lui qui le dit, mais moi, personnellement, je suis pas d'accord avec le gars lui-même, tu sais. Lui, il veut dire qu'il est tellement lazy qu'il n'est pas capable d'écrire des scènes de combat. Il est capable d'écrire des scènes de combat s'il s'y met. Sais-tu c'est quand qu'il s'est lazy? C'est Daredevil. Jersey Shore. Non, c'est Daredevil. Non, il s'est fait refuser la direction de Daredevil. Pourtant, le gars, il a scénarisé le meilleur Daredevil sur bande dessinée. C'est tellement vrai. C'est dur à comprendre des fois, mais ça, c'en est une. Le gars accepte de faire un caméo avec un de ses meilleurs chums. Ouais. dans le film qu'il aurait pu écrire et réaliser. Puis c'est sûr que si ce gars-là aurait été derrière la caméra pour ce film-là, ça aurait été un milliard de fois meilleur. Écoute, il y a deux gars qui sont surestimés à Hollywood, puis il y en a un qui l'a prouvé l'an passé, qui méritait sa place. Là, il reste Kevin Smith, mais Judge Whedon puis Kevin Smith, c'est deux réalisateurs qui sont surévalués à Hollywood. Et j'ai sous-évalué. Ouais, sous-évalué, excusez. Ils sont sous-évalués. Judge Whedon l'a enfin prouvé avec Avenger. Et c'est juste dommage, okay. Kevin Smith pourra jamais le faire. Mais écoute, pour J.J. Abrams, moi, la seule chose qui m'agace, c'est que j'aime quand même la nouvelle série de Star Trek. J'aurais aimé au moins qu'il finisse la trilogie, qu'il fasse au moins une trilogie, puis qu'il la finisse. Parce que là, ça va faire deux films, puis là, on va s'en aller avec un autre réalisateur. Moi, c'est la chose qui va m'agacer, parce que je sais qu'il va s'en aller sur Star Wars. Son Star Wars, je sais pas à quoi m'attendre. Sérieusement, moi, c'est un gars que j'aime me faire éblouir. Sérieusement, c'est un gars qui est capable de me faire surprendre. Star Trek, je suis pas inquiet. Ça, Paramount, ils ont toujours leur petit... ils ont leur écurie de réalisateurs qui vont dire oui tout de suite. Ils vont aller chercher un réalisateur no name. Ils l'ont fait à plusieurs reprises avec les autres Star Trek. Des fois, c'est des acteurs de l'intérieur comme Jonathan Frakes. Ouais. Des fois... Son Nemesis était très bon. Oui, Nemesis était très bon, puis c'est Colin, j'ai son nom au bout de la langue, mais c'était pas Jonathan Frakes qui l'avait réalisé. Le gars avait gagné un Oscar en plus pour son dernier film qu'il avait fait avant Nemesis. Je me rappelle plus c'était quoi, en tout cas. Tu sais, je suis pas inquiet. Star Trek, malgré tout ce que tout le monde dit, c'est la meilleure école de réalisation. Il y en a plusieurs qui ont passé par là avant de réaliser autre chose. Fait que je suis pas inquiet, ils vont aller chercher d'autres réalisateurs. Star Wars, le problème, c'est que comme J.J. Abrams a dit, puis comme tous les autres ont dit, c'est que tu es attendu avec une pelle et un fanal. Tu es attendu à l'entrée. Là. Star Trek, on s'en fout. Moi, je suis des deux camps. Okay? Ouais, moi tout. Tu sais, Star Trek, j'aime le 4, j'aime le 5, j'aime le 6. Je les ai tous aimés, c'est pas de problème. Bon, le 5, on avoue, par exemple, lui, on a mieux l'oublier. Mais tu sais, je les ai tous oubliés sans problème. Je les ai tous aimés sans problème. Je vais tous les réécouter. Ça aurait été n'importe qui l'a réalisé, le 11. Mais on avoue, le 11, c'est un chef-d'œuvre. J.J. Abrams a trouvé la meilleure façon pour dire « On fait un reboot sans en faire un. » Alors, Abrams a réinventé Star Trek de la meilleure façon qu'il n'y a pas. Tout à fait. Mais Star Wars, là, écoute, là, on a-tu été critique sévère pas à peu près à propos du 1, 2, 3, là? Mais, regarde, Jar Jar Binks 1. Oh my God. Puis, regarde, moi, je me rappelle, c'est J.P. Cardin qui nous disait que c'était vraiment un coup de luck pour le Star Wars 4. Selon lui, George Lucas, c'est un mauvais réalisateur, point. C'est juste qu'il y a eu une bad luck de fou. Savais-tu qu'il s'avait fait... Il s'est fait refuser par tout le monde, hein? Oui, je me rappelle. Je me rappelle, dans le temps, j'avais la vieille VHS de Star Wars. Tu sais, c'est la deuxième édition, genre, sur VHS. Puis t'avais des entrevues avec... comment il s'appelle? C'était un critique connu aux États-Unis. Ah, oh, t'as Albert... Martin. OK. Martin, OK, oui. Leonard Martin. Il disait... Regarde, j'ai cogné à toutes les portes possibles, puis je suis arrivé à 20th Century Fox, ils m'ont offert de faire le film pour 10 millions de dollars, tandis que la plupart des films dans ce temps-là, ils leur en donnaient 30. Puis il a fait ce film-là. Donc, OK, je sais pas s'il est vraiment très bon comme réalisateur, parce que pour moi, j'ai rien vu Star Wars, puis THX que je me suis endormi dessus. C'était plate. C'est un bon producteur. C'est un bon... Ça, par exemple, ça, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, là, produire Indiana Jones, il était très bon là-dessus. Willow, moi, c'est un de mes films d'enfance préférés. Oui. Absolument. Sérieusement, Willow, c'est lui qui l'a produit, puis il a fait une triste bonne job. Puis, regarde, il a quand même gardé le... même s'il a fait 1, 2, 3, là, je donne ça à George Lucas, il a quand même gardé des bons points de tout les créneaux pour faire pour ce qui est que le canon tienne quand même. Puis que ça ait de l'allure. C'est que pourtant, lui, moi, OK, j'ai aimé quand même le 1, 2, 3. OK, pour ce qui en est, parce qu'il a respecté ses lignes qu'il voulait dès le début. Le 1, c'est un film politique. Le 2, c'est un film d'amour. Le 3, c'est un film côté dark. Et ça, c'était depuis le début, il voulait faire ça. Il a gardé ses lignes. Et c'était le fait d'expliquer comment qu'on s'en allait vers Darth Vader. Ça devait pas être évident pour lui, là. Non. Et le problème avec Lucas, la raison pourquoi que personne qui voulait réaliser, qui pouvait réaliser pour lui, c'est qu'il n'a pas sa carte des réalisateurs. Fait que ça le bloque. Alors, sûrement que le fait que là, Disney ait racheté les droits et que Disney, eux autres, ont leur carte des réalisateurs, c'est quelque chose dans ce genre-là, là. Ça se peut, je me trompe dans mes mots, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Lucas ne peut faire appel à des réalisateurs pour produire parce qu'il n'est pas membre du syndicat des réalisateurs américains. Ouais, ça, c'est depuis la il n'est pas membre du Screen... pas Screen Actor Guild, mais bon, la guilde des... C'est ça, la guilde des réalisateurs. Oui. Fait que s'il veut faire réaliser ses films, il faut qu'il fasse appel à des réalisateurs qui ne sont pas membres du syndicat. Alors, à l'époque, quand il a fait Willow, c'était Ron Howard. Ron Howard c'était, je pense, dans ses premières réalisations. Il venait de faire Splash, mettons, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est dans ses premières réalisations. Puis il a fait faire Red Tails il y a environ un an ou deux par un inconnu. Puis sérieusement, je pense que le gars va rester inconnu parce que Red Tails, c'est Star Wars pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est plate. Ah, mais regarde, la fin, c'est un combat de X-Wing, là. Ouais, tout à fait. Il manquait juste la Death Star, là, mais. Et le pire, c'est que tu l'as. Les bombardiers, c'était des Destroyers, là, excuse-moi. Fait que le fait que là, Disney a acheté Star Wars, peut-être c'était plus facile de trouver des réalisateurs. Puis de toute façon, moi, j'étais pas surpris. Ça faisait un an ou deux, je m'y attendais que Lucas, quand il a dit je vais prendre ma retraite, qu'il allait vendre. Puis comme j'ai déjà dit pendant mon émission, j'avais deux compagnies que je m'attendais qu'ils achètent. C'était Warner ou Disney. Parce que les deux, Warner ont Clone Wars, ils ont les droits sur Clone Wars à la télévision, et ont produit plusieurs des films. Fox l'aurait jamais acheté. Contre eux ou non, ils n'ont pas les reins solides. Ils n'ont pas les reins assez solides pour ça. Ou Disney, parce que Disney ont eux aussi des droits sur Star Wars, sur THX. Star Wars allait à Disney World. T'as du Star Wars là-bas, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Moi, je suis en train de préparer mon voyage, je vais aller faire un tour, m'emmener en Floride. Puis, tu vois les attractions qu'ils ont pour Star Wars au Disneyland. C'est comme, ça arrive, le geek en moi, je me retiens juste pour dire, je vais l'acheter tout de suite, tu sais. Puis ça date pas de l'achat, là. Non, ça date des années. Depuis 80. Puis les années fin des 80. À chaque fin de semaine du May the Force with You, le 4 mai, il y a toujours la parade de Star Wars. T'as les Stormtroopers, t'as Darth Vader, c'est la grosse parade qu'ils font à toutes les fins de semaine du mois de mai. Fait que Disney puis Warner, moi, c'était dans ceux que je m'attendais qu'ils allaient les acheter. Sauf que là, Warner, avec Seigneur des Anneaux, j'étais un peu moins sûr. Puis Disney, eux autres, avaient fait donner pour mission, depuis le nouveau conseil administratif, on doit acheter le plus de propriétés intellectuelles possible. On doit diversifier notre coffre, notre argent. Oui. Et ils l'ont fait avec Disney, avec Star Wars. Et ça a été une très bonne achat. Oui. Et le prochain dans l'armée, c'est Hasbro. Avec. Oh, au moins, s'ils peuvent juste tasser Michael Bay. Excusez-moi. Plus capable. Fuck Michael Bay, man. Fuck Michael Bay. Oui, mais. OK, je suis d'accord avec vous autres pour Michael Bay, mais sérieusement, auriez-vous vu quelqu'un d'autre réaliser Transformers? Oui. N'importe qui, sauf Michael Bay. Ouais, mais Michael! T'as une panoplie de réalisateurs ou d'aspirants réalisateurs. Je dis, fuck, je peux me prendre d'être un petit peu cheap. Notre collègue Retro Gamer PQ sera le meilleur choix que fucking Michael Bay. Oui, mais moi, ce que je voulais voir, c'était des... Moi, ce que je voulais voir, c'était des robots qui se battent. Puis je l'ai eu. T'as même pas ça dans le premier! Hein? T'as même pas ça dans le premier! Mais t'avais de la misère à voir dans le premier. Dans le premier, d'abord, c'est... Oh, les humains sont hot! T'es pas là pour voir les fucking humains, t'es là pour voir les robots! Fuck you, mec! Hey, mais le 2, c'est un quatrième qui s'en vient, hein? Un reboot. Avec... Non, c'est pas un reboot. Non, il c'est continue. C'est une suite, mais les robots vont être refaits. Un peu comme qu'il est fait dans les dessins animés. Dans les dessins animés, la saison 3, il avait continué, mais plusieurs années dans le futur. Avec des nouveaux robots. Il y avait un nouveau Optimus Prime. Il y avait des nouveaux robots. Puis bon, plus tard, bien entendu, ils ont ressuscité Optimus Prime. Puis en tout cas, il y avait il avait tout réinventé l'univers dans la saison 3. Fait que je m'y attends dans le quatrième film. Ça va être la même chose. Puis de toute façon, tu vas avoir Mark Wahlberg. Ouais. Mais au moins, je me dis que Michael Bay ne touchera pas aux Tortues Ninja. Fait que déjà ça... God. Hey, son idée de sortir des aliens, excusez-moi, là. Mais j'avais tellement de la haine envers lui, là. J'avais envie de l'étrangler, là. Les Tortues Ninja, là, tu peux pas les rendre extraterrestres. C'est impossible. Si vous voulez en voir un bon cet été, j'arrête pas de voir les previews parce que sérieusement, j'ai hâte, là. C'est Pacific Rim de Del Toro. Oui, j'ai vu. Avec la bande-annonce, ça va être l'air malade. On dirait que je me sentais comme dans Xenoblade. Oh hey, c'est avec Ron Perlman, Hellboy, puis le gars qui fait le pilote, si vous voulez vraiment le connaître, c'est l'acteur principal dans Son of Anarchy. La série a commencé sur Addict TV. Si vous avez une série américaine à suivre, oubliez les Games of Thrones, oubliez Walking Dead, ça sort de l'ordinaire parce que Walking Dead, c'est des zombies, Game of Thrones, c'est médiéval. Toujours, tout a revu, tout a fait. Oui, c'est bon, mais moi, c'est du déjà vu. Son of Anarchy. Ouais. Son of Anarchy, c'est une série sur les motards. Et c'est fait par le gars de The Shield. Et la plupart des acteurs de Pacific Rim jouent là-dedans. Oh. Fait que si vous voulez connaître de quoi va avoir l'air le casting de Pacific Rim, écoutez Son of Anarchy, vous allez voir là. Surtout l'acteur principal, c'est lui qui va faire l'acteur principal en Pacific Rim, il aurait fait un foutu de bon Thor. Il a le physique de Thor. Et sérieusement, j'ai vraiment hâte de voir Pacific Rim juste pour ça. Là. Moi, c'est le nouveau Evil Dead que j'attends avec impatience. Oui, Dieu, mais avez-vous écouté la bande-annonce que vous vous faites filmer? Comment? Non. Il y a une version de la bande-annonce qui est ratée 18 là, avec la bande rouge. Ou pendant que tu l'écoutes sur YouTube, la caméra, ta webcam t'enregistre pour te donner c'est quoi tes impressions. Et je l'ai faite, elle est sur ma page YouTube. Vous pouvez me voir en train de voir la bande-annonce. Mais moi, je suis tellement fucké que je suis parti à rire. Mais il y a du monde qui ont vraiment comme... J'en ai un orgasme. Evil Dead, moi, j'ai deux options. Evil Dead, moi... C'est Bruce Campbell, c'est une comédie d'horreur. Oui. Le Evil Dead qu'on nous offre en ce moment est loin d'être la comédie d'horreur que j'ai connue. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le premier, il était pas voulu pour être une comédie d'horreur. C'était le pas premier. Prévu, oui. Sauf... Le deuxième, c'est Sam Raimi qui s'est dit « Hey man, on va se bidonner, on va faire dans le fond un remake du premier, mais on va faire n'importe quoi puis on va faire du fun. » Et ils ont réussi. Et le 3, on compte pas. Bon, pareil, moi, pour 3, moi, le 3, c'est une suite, mais boboche. Mais moi, de ce qui me fait plaisir de ce remake-là, c'est que Bruce Campbell est quand même dans le projet. C'est quand même un des producteurs. Mais moi, ce qui va me faire aimer le deuxième point, et ça, Sam Raimi, j'y lève mon chapeau, c'est qu'il n'y a aucun CGI dans le film. Ah, yes! Là-dessus, je pense qu'il a triché un petit peu parce que la scène où il y a encore un arbre il y a encore un rig d'arbre. OK? Puis ça, pour moi, je pense vraiment que ça en est du CGI. Mais, sérieusement, le reste, je trouve que c'est du bijou d'horreur de ce qui est de la bande-annonce, sérieusement. Là. Je pense que c'est des idées que même les gars qui ont fait l'auberge n'ont même pas pensé. Hey les gars, moi je vais vous quitter parce que ça va être. Faut ouais, qu'on gagne. Moi, tout, je vais finir, parce qu'il est quand même 10 heures. Ouais. Rapidement, je vais finir, hey, c'est je ça. Je vous partage une page Facebook, OK? C'est les premières photos de Amy Adams en Lois Lane. Oh, OK. Envoie-moi ça. C'est sur Facebook. C'est sur notre chat de Google Hangout, là. OK. Écoutez, les gars, là, quand ils ont nommé Amy Adams pour faire Lois Lane, moi, je tripais. Je disais, c'était la meilleure pour faire ce rôle-là. Et là, ils sortent la première photo. Et en plus, elle a un iPad dans les mains. C'est comme... oui! Je l'ai pas vu. J'achète. La bande-annonce était écœurante. Kevin Costner... oui. Kevin Costner dans le rôle de Jonathan Kent, quand Clark, après l'accident de l'auto, puis Dave, il dit... tu sais, Jonathan Dave, puis il dit, t'aurais pas dû montrer tes pouvoirs au monde. Puis Clark, Dave, il dit, c'est quoi j'aurais dû faire? Les laisser mourir? Puis Jonathan, il dit, peut-être. Pas oui, pas non. Peut-être. Ça montre vraiment le questionnement. S'il avait dit oui, ça aurait fait un père trop rassuré. S'il avait dit non, ça aurait fait un père trop rassuré. Peut-être. J'ai vraiment jasé avec Francis Ouellet des Mystérieux. Puis j'ai dit, pour moi, là, ça prend la tournure de Superman Earth One. J'ai l'impression que ça s'en va dans une tournure très dark, mais ça va être bon. Sérieusement, j'ai aucun doute. Ça va être un malade. Toi, rapidement, PL, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux cette balance-là? De mettons en 10 secondes. Tu parles de. Non, Superman. De quoi, lequel? Superman. J'ai pas vu. Ah, ok, c'est bon. Rapidement, Pat, comment on peut te rejoindre sur les internets? Actarus, partout dans l'univers. C'est le meilleur moyen depuis toujours. Actarus. LPSN.ca, c'est mon site web. Venez nous voir à tous les jours. On met des nouvelles. Jeux vidéo, cinéma, musique. Les mercredis soirs, 21h également. On a notre podcast en direct comme vous autres. 2 heures avec toute l'équipe. Puis là, je sais que de ce temps-ci, on parle peut-être de sujets qui intéressent un peu moins les geeks, mais écoutez, j'ai parlé en exclusivité de Ni No Kuni pendant 2 semaines. Et voilà! Fait que... Non, PL, c'est ça. Comment... OK, oui, vas-y. Fait que c'est ça, venez nous voir. PL, comment on peut te contacter rapidement? Avec plaisir, vous pouvez me contacter au antythese@yahoo.ca. Ou encore le gmail.com. On peut également aussi sur Twitter, sur antithèse16, S-A-Y-S. Sans oublier, bien entendu, que vous pouvez me contacter et jaser avec moi, Big Ben, Marie-Lune et les autres accros sur accrodesjeux.com/forum. Forum. Vous pouvez également me suivre via Twitter sur Accro des Jeux. Vous pouvez également me suivre via notre courriel accrodesjeux@commercial.gmail.com. Vous pouvez m'écrire n'importe quoi, même des lettres d'amour. Allez-y fort, je les lis. Et les insultes également. Je prends également, on a également le Facebook des Accro des Jeux. C'est un des meilleurs moyens de pouvoir nous contacter. Et les images folles et vidéos de notre cher Giger. Et pour continuer le running gag, mon Facebook personnel est privé et je n'accepte personne que je ne connais pas. Alors, merci Est-ce beaucoup, Isaac. C'est compris pour cette fois-là. pour ce qui est de, si jamais vous voulez nous suivre rapidement, les podcasts des accros seront à présent offerts tous les lundis soirs, 20h. Donc, si jamais vous avez la chance de venir nous voir live directement, c'est le 20h sur la chaîne YouTube des Accros des Jeux. Avant de finir, je vous ai promis un concours. Eh oui, alors j'ai une clé de jeu à vous donner de Legend of Grimrock Steam. Je vous offre cette copie-là. Alors, je vais quand même vous poser une petite question et vous allez devoir répondre, envoyer votre réponse dans le courriel des Accros des Jeux. Dans le thème, vous allez écrire « concours ». Et la petite question, ça reste à savoir, quel est le nom du site de Patrick Archambault? Ah, c'est ça, je peux pas participer! Ouais, mais je pense que tu l'as, ce jeu-là, toi. Legend of Grimlock, peut-être, ou c'est un de mes partenaires qui l'a. Mais c'est un excellent jeu. Je vous le recommande. Si jamais vous avez la chance de l'avoir, allez-y. Mais entre-temps, je fais quand même de la pub pour mon cher ami Actarus. Alors, là-dessus. On t'en vaudra ça mercredi. Pas de problème. Yes. Alors, écoute, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup à Sébastien Wall également de nous avoir d'être venu au podcast pour nous présenter le son concert de l'Orchestre des Jeux vidéo. Alors, c'était. Hein? J'ai dit super cool. Oui, il est vraiment gentil. Puis, allez voir le show au mois de juin. Sérieusement, vous allez avoir du gros fun. Alors, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Et c'est Actarus. Pour le podcast des accros, l'édition du 4 février 2013. Merci beaucoup. À la prochaine.